Bonjour et bienvenue dans la rediffusion audio de l'émission Autonomie, l'actu de la recherche, réalisée et produite par l'équipe d'animation du programme prioritaire de recherche Autonomie. Le podcast que vous vous apprêtez à écouter est l'enregistrement d'un direct qui a eu lieu sur YouTube. Vous trouverez dans la description de cet épisode toutes les informations sur ce format, ainsi que des ressources complémentaires. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour en apprendre plus sur nos activités et découvrir encore davantage la recherche sur l'autonomie. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Autonomie, l'actu de la recherche, produite et réalisée par l'équipe d'animation scientifique du programme prioritaire de recherche Autonomie, piloté par le CNRS. Je suis Maria Saf, je suis responsable de l'animation scientifique et je serai votre hôte ce soir, accompagnée de notre régisseur, Marcel Duchemin, qui s'assurera que tout se passe bien du côté de la technique. Et côté interprétariat LSF-FR, nous avons avec nous les équipes de SILS. Et comme pour la dernière émission, le sous-titrage sera retravaillé en post-production pour permettre une meilleure accessibilité de notre contenu. J'ajoute que les magnifiques habillages que vous voyez dans cette émission ont été créés par Jojo de Bleu Renard Studio. Et quant à vous, spectatrices et spectateurs, vous êtes avec nous par le chat et en commentaire, donc n'hésitez pas à poser vos questions et à discuter. La première partie de cette émission sera consacrée à la présentation du livre « Le handicap au pouvoir » du chercheur en sociologie Cyril Desjeux, récemment paru aux presses universitaires de Grenoble. La seconde partie de l'émission prendra davantage la forme d'une table ronde et nous accueillerons trois autres invités, Odile Morin, qui est élue municipale et métropolitaine d'opposition à Toulouse et présidente d'une association de défense des droits des personnes handicapées et de la lutte contre le validisme, Fatima Kalouk, maire adjointe déléguée à la jeunesse de la ville d'Alfortville dans le 94 et responsable de la Commission nationale des droits des personnes handicapées du Parti communiste français, et Pierre-Yves Baudot, professeur des universités en sociologie à l'Université Paris-Dauphine au sein du laboratoire IRISO. Ses recherches portent sur les politiques de droit et plus particulièrement celle à destination des personnes handicapées, et c'est lui qui signe la préface de l'ouvrage, de Cyril. Marcel, est-ce que tu peux faire entrer Cyril, s'il te plaît? Bonsoir Cyril, je suis ravie de te recevoir ce soir pour parler de ton travail sur la place des personnes handicapées dans la vie politique française. Avant de commencer, je vais rapidement t'introduire et je te laisserai compléter s'il manque quelque chose. Donc, tu es sociologue de formation, spécialisé sur la question de la perte d'autonomie, et tu as porté plusieurs projets, dont des recherches actions et participatives sur l'autisme, le handicap psychique, le polyhandicap, les danses et la citoyenneté. Tu es également le directeur scientifique de Andéo, une association qui vise à la fois à aider les personnes handicapées et âgées à accéder à la vie autonome et à produire des connaissances sur leurs attentes et leurs besoins. Et en outre, vous avez à cœur le transfert des connaissances et vous collaborez à plusieurs recherches, dont celle des projets CAPA et OVI au sein du PPR Autonomie. Et enfin, tu es l'auteur et le co-auteur de plusieurs ouvrages, dont Interroger le médico-social, publié cette année chez Duno, et La société des invisibles, immersion dans le monde du handicap et des lésions cérébrales, publié en 2021 aux éditions Complicite. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? C'est pas mal, juste une petite précision. Avant d'être spécialiste de la perte d'autonomie, je suis surtout spécialiste du handicap. Exactement, c'est vrai. Pardon. On fait un peu de la pub pour nos thématiques, c'est pour ça. Je vais présenter rapidement ton livre avant la discussion à suivre. Donc, Le handicap au pouvoir, sociologie des droits humains appliqués aux personnes handicapées engagées en politique, pour citer son titre complet, qui est tiré d'une enquête sociologique auprès d'une quarantaine d'élus handicapés à l'échelle municipale. Il vise ainsi à répondre à une question plutôt simple. Pourquoi les mandats politiques sont-ils si peu exercés par les personnes handicapées alors que rien ne l'empêche du point de vue juridique? L'ouvrage met en lumière les nombreuses difficultés auxquelles font face les personnes concernées et interroge ainsi de front le modèle dit démocratique dans lequel nous évoluons, un modèle qui ne donne pas les moyens aux personnes handicapées d'entrer et de rester dans le monde politique en tant qu'acteurs de décision. On va maintenant présenter ton travail un peu plus précisément afin de bien comprendre le contexte dans lequel tu l'as construit, les questions et les méthodes qui t'ont guidé, la littérature scientifique qui a pu t'accompagner et les conclusions auxquelles tu es arrivé. Donc, je vais te poser quelques questions et j'invite les spectatrices et spectateurs à en poser les leurs si elles le souhaitent également. Donc, j'aimerais débuter par évoquer le contexte d'écriture de ton ouvrage. Qu'est-ce qui t'a motivé à conduire cette enquête sociologique qualitative à l'échelle de la municipalité? Comment s'est déroulée la prise de contact avec les différents enquêtés et plus largement l'enquête en tant que telle? Quels choix ont été faits dans la représentation des handicaps, des différentes tendances politiques et des parcours des individus? Et pourquoi avoir choisi de replacer l'enquête sous le signe des droits humains? Très bien. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et pour avoir réuni tout à l'heure ces personnes. Je pense à, donc à Pierre-Yves Godeau, à Fatima Kalou et à Olivier Morin, qu'on retrouvera tout à l'heure. Pour répondre à ta question, Andéo travaille depuis 2017 sur la participation politique à travers d'abord la question du sujet du vote. C'est qu'en 2021 qu'on décide d'élargir nos recherches aux personnes en situation de handicap qui souhaitent s'engager en politique comme candidat ou comme élu. À ce moment-là, on n'a pas forcément de budget pour réaliser cette première phase qu'on qualifie à ce moment-là d'exploratoire, mais j'ai une personne qui sollicite Andéo pour faire un stage et je me saisis de cette opportunité pour enclencher une première recherche sur cette thématique. Et cette personne, elle s'appelle Nathan Pascoe. Et je tiens à le remercier plus particulièrement ici, parce que sans lui, je ne suis pas sûr qu'on aurait démarré cette recherche. C'est aussi pour moi l'occasion de rappeler que derrière un nom d'auteur, il y a tout un travail collectif, surtout dans les recherches qu'on mène chez Andéo, et auquel le nom ne rend pas hommage, le fait que ça ne soit signé que par mon nom. Parce qu'à côté de Nathan, il y a aussi Blandine Germain qui a fait son stage à Andéo et qui a aidé sur la comparaison, notamment européenne, qui comprend un petit passage du livre, mais qui reste quand même aussi une manière de nourrir la réflexion. Et il y a aussi eu tout un groupe de réflexion sur lequel je me suis appuyé pour défricher la thématique. J'ai réuni des élus en situation de handicap, dont Fatima Kalouk, qui s'exprimera tout à l'heure. L'ESGCIH, qui est également présent dans ce comité de réflexion, des associations comme Nous aussi ou le CFHE, et des chercheurs. Et avec tout ce monde-là, on a réfléchi ensemble à la manière d'aborder le sujet. Ce collectif, c'est ce qui a permis la recherche qui est à l'origine de ce livre. Mais le travail présenté dans ce livre, en réalité, c'est aussi un premier volet exploratoire, comme je le disais tout à l'heure, qui va servir de préfiguration au projet que je coordonne actuellement, qui s'appelle Handipolitique, qui est la contraction de handicap et participation politique, qui donne donc Handipolitique. Ce projet, alors cette fois-ci, bénéficie de soutien. Il est soutenu grâce à la FIRA, grâce à la CNSA via l'IRESP, grâce également au groupe Apicil. Et il se fait en partenariat avec l'association Nous aussi, avec l'ANCREAI, avec l'APHPP et l'association Élus Sourds, avec Pierre-Yves Baudot, qu'on retrouvera tout à l'heure, et avec aussi l'association Prune Firmis, qui est une association située en Suisse et qui engage notamment des actions de formation auprès de candidats en situation de handicap. Alors, si je reviens sur le volet exploratoire, mais des fois j'oscillerai un peu entre handipolitique et le volet exploratoire, parce qu'handipolitique éclaire aussi la manière dont on a pu travailler cette recherche. Mais si je reviens donc sur ce volet exploratoire, j'avais à ce moment-là déjà identifié quelques élus dans la presse ou par l'intermédiaire de travaux que j'avais réalisés sur le droit de vote, qui fait que ça a été une première porte d'entrée sur le terrain. Au final, c'est vrai que j'identifie avec le comité de réflexion principalement des élus au niveau municipal. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les chiffres confirment que c'est l'échelon principal, puisque 90% des élus en situation de handicap le sont au niveau municipal. Et c'est pour cette raison que dans la recherche exploratoire, on s'est principalement recentré sur cette échelle. Dans cette phase exploratoire, on s'intéresse aussi aux candidats, pas qu'aux élus. Ça, c'est un élément important, parce que c'est vrai que dans l'antipolitique, on est plutôt centré sur les élus en situation de handicap. Et le fait de s'intéresser aux candidats, c'est important parce qu'en réalité, Le fait d'être élu implique de passer un premier filtre. Et ce premier filtre, bah, c'est celui du choix des électeurs, qui peut faire qu'on est élu ou non, lorsque l'on candidate. Donc s'intéresser aux candidats, c'est sans doute donner une meilleure visibilité du nombre de personnes en situation de handicap qui ont pu s'engager en politique. Mais cette donnée, elle est un peu compliquée à obtenir. Elle est un peu plus compliquée à obtenir que le nombre d'élus en situation de handicap. Le nombre d'élus en situation de handicap, il n'est pas simple non plus à avoir, mais la recherche en politique qu'on vient de faire, enfin qu'on est en train de faire, elle vient de produire un premier recensement et on serait à 82 élus en situation de handicap. Et je m'arrête un instant sur ce problème de nombre. Ces données, elles sont toujours compliquées à obtenir en France et ce n'est pas uniquement parce qu'on n'a pas véritablement de données statistiques sur les personnes en situation de handicap. Elles sont compliquées à obtenir parce qu'on a plusieurs façons d'identifier les personnes en situation de handicap, de déterminer les critères à prendre en compte et de juger de la comparabilité des situations. On voit très bien d'ailleurs, avec la dernière étude de l'ADRES là, qui vient de sortir, qui a été réalisée par Jean-Sébastien Edelimann et Marie Rey, que selon les critères retenus, là, on est entre 4,6 millions et 16 millions de personnes en situation de handicap. Dans la recherche sur les élus, bah, on a eu les mêmes problèmes de qualification avec le groupe de réflexion. D'un côté, il y a un certain nombre de membres du groupe qui ont relevé que les besoins en aide humaine et de mobilité pour une personne en fauteuil étaient différents des besoins en langue des signes française d'une personne sourde. Dit comme ça peut paraître une évidence, mais ça va se traduire après différemment dans la manière d'arriver à qualifier les besoins et de les identifier. Ces besoins eux-mêmes de langue des signes française ou d'aide humaine ou de mobilité, mais ils sont eux-mêmes différents des besoins d'une personne qui peuvent être dyslexique ou ayant un bras atrophié. D'ailleurs, sur ce dernier point, une des personnes enquêtées lors de la recherche exploratoire m'expliquait une personne qui avait un bras atrophié, qu'elle ne se considérait pas en situation de handicap. Et ce qui était paradoxal, c'est qu'elle avait fait par ailleurs les Jeux paralympiques qui viennent cristalliser une image publique de son handicap. Et cette manière de se définir était à comprendre au regard de la situation de vie et du rôle qu'elle exerçait, là où je l'interrogeais sur sa situation d'élu. Et c'est vrai que l'exercice d'un mandat électoral, avec un bras atrophié, pour elle en tout cas, n'entraînait pas de besoins spécifiques ou d'entraves à son exercice, d'où le fait qu'elle ne se considérait pas en situation de handicap. Ça, c'est un premier élément en tout cas qui peut être compliqué dans la manière de quantifier le nombre d'élus. L'autre élément qui me semblait important aussi à prendre en compte, pour arriver à éclairer ce chiffre de 82, c'est que cette question de la visibilité, elle joue sur l'identification et donc le comptage de ces situations. Par exemple, toutes les situations de handicap ne bénéficient pas systématiquement d'une reconnaissance administrative, ou certaines personnes ne se reconnaissent pas nécessairement dans cette catégorie qualifiée de handicap. Et ça va avoir notamment une incidence sur les politiques publiques qui pourraient être mises en place en faveur des personnes handicapées qui souhaitent s'engager en politique. Je pense plus particulièrement à la manière dont ça vient interroger l'hypothèse de mettre en place, par exemple, des quotas, qui est souvent discutée, en tout cas dans le groupe de réflexion qu'on a mis en place. L'instauration des quotas pour les personnes qui vivent avec un handicap en politique, il me semble qu'en tout cas, et c'est un peu ce qui est dit dans le livre, qu'elles se problématisent au regard de celle de leur visibilité, qui ne se manifeste pas de la même manière que pour les femmes. Toutes les situations de handicap ne sont pas visibles à proprement parler, ou une visibilité qui se donne à voir de différentes manières. Et c'est ça qu'il va falloir aussi arriver à prendre en compte si on veut imaginer des politiques de ce type. Mais cette question du nombre, de la visibilité de son handicap ou de sa publicisation, s'apparentant parfois cette publicisation à une forme de coming out, ne doit pas non plus servir d'écran pour masquer un problème de fond, celui de la manière dont la société elle est capable de faire une place à l'altérité et à la diversité des situations. C'est pour garder cette boussole que le livre a pris comme point de référence les droits humains. Et là, je réponds à ta dernière question. L'enjeu était de pouvoir lire cette question de la participation politique au regard d'un cadre de référence transnational. Il s'agissait de pouvoir lire ces situations au regard d'un idéal défini par des personnes en situation de handicap et de voir comment cet idéal venait donner une autre lecture à nos cadres normatifs et plus particulièrement ceux faisant référence aux capacités et à la performance. Merci pour cette réponse qui vient introduire, je pense, plusieurs thématiques. La seconde que j'aimerais te poser, c'est autour de cet enjeu de faire de la politique autrement. En partant d'une analyse par le bas, donc au plus près des acteurs, l'ouvrage met en lumière la difficulté à saisir l'insaisissable. Ça rejoint un peu aussi ce que tu viens de présenter, ce qui oblige les élus, et elles pourront nous en parler par la suite, à des formes de compromis, de négociations, voire de subversion qui les assignent à un certain rôle, celui de la personne malade. Et l'ouvrage sert ainsi de révélateur de cette dynamique de disqualification et par conséquence des limites du modèle démocratique et de sa promesse de justice sociale. L'étude invite à une refonte complète de la façon de faire de la politique en encourageant un travail sur la norme plutôt qu'un alignement sur cette dernière. Est-ce que tu peux développer ce point et les idées qui ont pu émerger à ce propos au moment où vous avez conclu l'enquête? Tu évoques par exemple un enjeu autour de la conception démocratique du handicap. C'est vrai que penser une conception démocratique du handicap, ça va toucher directement celle de la citoyenneté en général. Et ça me semble important de revenir aussi sur la manière dont la citoyenneté, elle va inclure l'ensemble des éléments de la participation dans la vie, que ce soit des éléments économiques, socioculturels et politiques. La citoyenneté, c'est un enjeu autour du vivre ensemble. Et selon la manière dont on va la conceptualiser, on va penser de manière différente ce vivre ensemble. Par exemple, la citoyenneté, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être considérée comme un statut juridique et politique qui va être accordé à un individu par un État. Et dans ce cas, la citoyenneté, elle peut être réduite à sa forme matérielle, à un document officiel délivré par l'État. Ça va être par exemple une carte d'identité, un passeport, une carte d'électeur. Mais on peut aussi voir dans la citoyenneté quelque chose de plus complexe. C'est aussi le droit de prendre part aux ressources et aux instances de la société, à l'école, à la santé, au travail, aux loisirs, à la politique ou à la consommation, par exemple. La citoyenneté, elle va être un indicateur de la manière dont la société, elle hiérarchise des vies et des statuts politiques. Si on considère cette seconde approche plus sociale et relationnelle de la citoyenneté, que l'approche très matérielle que je présentais en premier, on comprend comme la problématique d'accessibilité vont être les premières entraves à la citoyenneté. Concernant la participation politique, elle va se traduire de manière multiple, comme le montrent très bien les témoignages de candidats et d'élus en situation de handicap qui sont présents dans l'ouvrage. Elle prend aussi des formes différentes selon la situation de la personne. Je m'explique. Les handicaps de personnes élues les plus représentées, ça va être des handicaps qui sont liés à des altérations des fonctions motrices. Mais on retrouve aussi quand même des handicaps liés à des altérations des fonctions visuelles et auditives. Et dans une moindre mesure, on va avoir des personnes en situation de handicap dont le handicap est lié à des altérations des fonctions mentales, psychiques ou cognitives. Qui sont présentés, mais parfois plus difficilement identifiables. Dans les figures très médiatisées, très publicisées, on peut citer Éléonore Lalou, qui est porteuse de trisomie 21 et conseillère municipale à la ville d'Arras, mais j'ai presque envie de dire qu'elle fait figure d'exception parmi ces handicaps. En outre, si on pense aux personnes autistes ou qui ont des troubles 10, ils sont pas toujours facilement identifiables ou ils ne se catégorisent pas forcément comme handicapés. Et parmi ces handicaps liés à des altérations des fonctions mentales, psychiques ou cognitives, on a les personnes avec des troubles psychiques. Pour eux, c'est encore plus compliqué, car c'est vrai que c'est un handicap qui fait encore peur et qui véhicule encore très souvent des représentations négatives qui amènent une complexité supplémentaire dans l'exercice du mandat. Par ailleurs, parmi les personnes élues pour les municipales de 2020, il faut aussi rajouter que certains ont arrêté leur mandat. Et par exemple, là, sur les 8 personnes sourdes qui avaient été élues, il n'y en a plus que 7 aujourd'hui qui exercent encore leur mandat. Il y a également des personnes aveugles qui indiquent avoir quitté leur mandat. Et dans la presse, on a pu retrouver au moins 3 personnes en fauteuil qui étaient décédées. Si je donne ces précisions, c'est pour deux raisons principales. Premièrement, et pour répondre à ta question, c'est un des freins à l'exercice du mandat, et ce n'est pas le seul, comme on va le voir par la suite, c'est de tenir sur la durée. Les problèmes de santé, le rythme d'un mandat accumulé avec un métier et un handicap, ou l'absence d'action du conseil municipal en termes d'accessibilité sont des raisons qui ont pu être évoquées par les personnes concernant l'arrêt du mandat. Deuxième point, la prise en compte du handicap, elle ne doit pas non plus écraser la vie politique. Et ça, ça me paraît un élément important aussi, surtout avec l'angle qui est pris dans ce livre. C'est comme tout mandat, il y a du mouvement, il y a des stratégies, il y a des attentes, il y a des missions qui vont être liées au mandat. Et les personnes en situation de handicap, comme toutes les autres personnes élues, elles sont sujets au jeu de la vie politique. Le handicap, là, en réalité, il va aussi servir de loupe pour analyser ce jeu et il va être un formidable révélateur pour déconstruire certaines normes de nos sociétés qu'on a souvent naturalisées et essentialisées. Et c'est important que le handicap, il ne vienne pas écraser la vie politique et qu'on n'en fasse pas un cas d'exception. Tout ce travail de déconstruction, il était qu'on va faire avec le handicap et qu'on a fait avec le handicap, il était déjà visible avec l'arrivée des femmes en politique qui avaient montré tout le côté, le caractère patriarcal de cette arène politique. Le handicap, il va montrer de son côté que à côté de ce caractère très patriarcal, bah, il y a également des normes capacitaires et de performance qui vont venir structurer le jeu politique. Et le handicap, il va participer à remettre en cause une politique qui serait forcément sur un mode compétitif, porté par de l'ambition, traversé par des jeux de manipulation, de conspiration, voire de complot. Quand je dis ça, il ne faut pas se dire que les personnes handicapées ne puissent revêtir ces caractéristiques. Bien au contraire, elles peuvent tout à fait les revêtir. Et on a d'ailleurs des exemples assez médiatiques. On peut prendre l'exemple de Damien Abad, qui en est tout à fait une illustration, il me semble. L'arrivée en politique des personnes handicapées, comme celle des femmes, elle nous invite à penser d'autres manières de faire de la politique. En plus, j'aurais tendance à dire que la particularité du handicap, par rapport aux autres catégories d'appartenance, comme le genre, c'est qu'elle va venir questionner les logiques capacitaires qui sous-tendent notre fonctionnement social. Il y a un enjeu qui revient évidemment à de nombreuses reprises et tu l'as déjà rapidement évoqué, c'est celui des différentes formes d'inaccessibilité. J'aimerais savoir si tu pouvais revenir sur ces différentes formes qui ont été mises en lumière durant l'enquête et notamment les formes invisibles et peu considérées dans un cadre validiste. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur l'influence des différentes formes d'inégalité aussi, pardon, dont sont victimes les personnes en situation de handicap en amont de leur entrée dans le monde politique, y compris le creusement des inégalités en fonction du type de handicap? Et tout à l'heure, je disais qu'il y avait 82 élus identifiés, 82 élus sur près de 600 000. C'est moins de 1%. C'est 0,01%, c'est ridicule. Ce chiffre, très faible, il s'explique par de nombreux freins. Alors, c'est compliqué de tous les recenser de manière exhaustive, mais là, je compte notamment sur les invités tout à l'heure pour compléter ce que je vais dire là. Mais je voulais revenir sur au moins 5 principaux qui me semblent vraiment importants à avoir en tête pour comprendre les freins auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap pour entrer en politique. Le premier frein, il me paraît transversal à tous les domaines de vie, il n'est pas propre au fonctionnement politique, et il va concerner les inégalités sociales d'accès à la scolarité à tous les niveaux, et les inégalités d'accès à l'emploi. Et ces inégalités de scolarité et d'emploi, elles se répercutent directement et plus largement sur l'accès au réseau et l'accès aux partis politiques, qui sont des ressources souvent nécessaires pour entrer en politique. Un autre élément, pareil dans ce jeu, c'est le fait d'être seul ou en couple. Ben, ça peut aussi produire des inégalités d'accès. En politique, on sait que la famille, et plus particulièrement la compagne ou le compagnon de la personne candidate, sont des ressources. Je pense en particulier à la thèse de Christelle Gris sur les conjointes d'élus. Pour une partie des acteurs engagés, l'activité politique, ben, en fait, c'est un métier de couple, pouvant parfois s'apparenter à une maisonnée politique comme une forme de petite industrie artisanale. Aussi, il peut être plus compliqué de tenir ou de gravir les échelons pour les personnes qui ne bénéficient pas de ces ressources. Mais on va le voir, c'est pas impossible non plus, comme nous le montrerons tout à fait les discutants de ce soir. Donc ça, c'est un premier frein qui est vraiment transversal aux différents domaines de vie. Un deuxième frein là qui est vraiment propre à la question de la vie politique, Tu disais en préambule dans les questions qu'il n'y avait pas vraiment de freins juridiques. Bah, il y en a quand même pour une partie de la population, il y a des freins juridiques, puisque les personnes en curatelle ou en tutelle sont inéligibles. Cette inéligibilité, elle est justifiée dans l'histoire de notre Constitution pour protéger non pas l'individu, mais la société. Je ne vais pas reprendre ici dans les détails toute cette histoire, mais si vous souhaitez en savoir plus sur cette logique historique, bah, je vous invite à aller voir la thèse en droit de Camille Hennès, qui aborde notamment ce point. Là, ce qui m'importe, c'est quelle que soit la justification juridique et historique, cette inéligibilité apparaît aussi comme un déni de démocratie, il me semble, dans la mesure où cette inéligibilité, elle va restreindre la capacité des personnes électrices dans les représentants qu'elles peuvent désigner. Et on va leur interdire finalement d'aller désigner certaines personnes sous prétexte qu'elles aient une curatelle ou une tutelle. Mais cette interdiction, elle ne concerne pas toutes les mesures de protection. Et ça, je trouve que c'est aussi un élément intéressant qui permet éventuellement de penser des ouvertures, parce qu'une personne qui va avoir une habilitation familiale, eh bien, elle pourrait être éligible. Et l'habilitation familiale, sans rentrer dans les détails, elle peut couvrir les mêmes domaines que les mesures de curatelle ou tutelle qui vont interdire l'exercice d'un mandat électoral. Aussi, l'habilitation familiale, elle pourrait être une forme d'alternative et une voie à suivre à l'ouverture de ce droit pour un public qui serait protégé. Et en ce sens, je trouve qu'il pourrait aussi y avoir ça pourrait être un intérêt, en tout cas, à explorer. À côté des freins d'accessibilité à l'école et à l'emploi, à côté des freins juridiques, on a aussi un troisième frein qui va être lié aux aides humaines et à la mobilité, qui sont deux dimensions importantes, surtout quand on sait que la grande majorité des élus en situation de handicap, c'est plutôt des élus qui vont avoir des altérations des fonctions motrices. D'une part, l'offre de transport, elle n'est pas toujours adaptée. Elle peut être aussi présente, mais et adaptée, mais insuffisante. On peut aussi relever que le temps de trajet, il peut être allongé en raison de certaines altérations. Par exemple, certaines personnes vont avoir des difficultés à se repérer. Ce repérage, il peut être difficile pour des raisons visuelles ou des raisons cognitives. Ou ça peut être des difficultés à se déplacer liées au fauteuil et une problématique d'accès à la voirie, par exemple. D'autre part, il peut y avoir aussi une difficulté à gérer sa candidature et ses aides humaines. Parce que les aides humaines, lorsqu'on en a besoin, elles sont souvent peu flexibles ou avec des plans d'aide qui peuvent être trop restreints par rapport aux besoins de la personne pour candidater ou exercer son mandat. Or, l'organisation des aides humaines ou le recours aussi à la langue des signes française, mais elle demande souvent de la préparation et de l'anticipation. Et cette organisation, mais elle supporte assez mal l'imprévu qui est inhérent à la vie politique. À cette problématique, s'ajoute que les aides humaines, sont dépendantes des soutiens financiers. Et j'entends vraiment aides humaines au sens large, j'inclus les aides humaines, les interprètes en langue des signes, mais aussi, les facilitateurs qui peuvent être nécessaires pour des personnes dont le handicap est lié à des altérations des fonctions mentales, psychiques ou cognitives. Et là, qu'on soit donc dans de l'aide humaine, j'ai envie de dire, liée à la PCH, ou de l'aide humaine liée à de la LSF, ou de l'aide humaine liée à un facilitateur, bah parfois les besoins financiers peuvent être importants. Et cette aide financière, bah elle est souvent très limitée pour compenser les besoins des personnes élues en situation de handicap. Et là, je parle des élus. Mais si on est seulement candidat, là, l'aide, elle est totalement absente. Et toute une partie des personnes ont également des difficultés pour pouvoir s'encarter dans les partis politiques qui ne bénéficient pas non plus de soutien financier pour pouvoir le faire. Quatrième frein, qui me paraît important également à mentionner, ça va être toutes les problématiques d'inaccessibilité. Alors, on a l'inaccessibilité des espaces publics, qui peut être un frein pour circuler dans la cité. L'inaccessibilité de certains lieux, comme l'accès à un conseil municipal, l'accès aux voiries, l'accès aux toilettes, qui peut paraître un détail, mais lorsque la réunion s'éternise ou lorsqu'il y a un repas, il peut y avoir un besoin de pouvoir accéder aux toilettes ou accéder à des toilettes adaptées qui permettront la réalisation de soins. L'inaccessibilité, elle porte aussi sur certaines informations. Ça peut être par exemple la difficulté de manipuler des documents imprimés ou l'absence de documentation alternative ou d'absence de braille qui peut rendre plus compliqué l'accès à l'information. L'engagement politique, il va se heurter également à l'inaccessibilité de certains échanges. Alors, une partie, ça va faire écho à l'information puisque parfois il peut y avoir des difficultés de compréhension. mais ça peut être aussi des difficultés dans l'échange à gérer des propos qui sont conflictuels ou à comprendre le second degré ou l'implicite. Et c'est vrai que sur l'information et les échanges, il y a aussi des personnes qui peuvent avoir besoin de langue des signes française, mais avoir un interprète pour résoudre ce problème, bah parfois ça ne suffit pas en réunion, parce qu'il y a toute une partie de l'information qui vont se discuter en dehors des réunions. L'interprète, il ne va pas suffire non plus, parce qu'une partie de l'information, elle passe par l'écrit, et les personnes qui ont besoin de langue des signes française, bah, ils n'ont pas forcément un accès facile à la lecture. Et ça, c'est un élément qui est important aussi, contextuel à avoir, c'est, oui, la langue des signes française, je dirais que c'est un préalable nécessaire à des personnes qui sont sourdes et qui parlent cette langue, mais il ne suffit pas à lui seul pour permettre une accessibilité pleine et entière et leur participation à la vie politique. Enfin, dans ce quatrième frein à l'inaccessibilité, il me semble que c'est important également de dire que l'inaccessibilité, elle porte aussi sur certains temps de la vie politique qui sont parfois trop intenses, notamment pour des personnes qui peuvent avoir des troubles qui vont majorer leur fatigabilité. Mais ça peut être aussi des temps de la vie politique qui vont être inadaptés en termes d'horaire, parce que trop tard le soir et qu'il n'y aura pas d'aide humaine, ou sur des contraintes qui ne prendront pas assez en compte la situation de handicap. À côté donc de la contrainte et du frein de l'inaccessibilité, à côté de la contrainte de l'accès à la scolarité et à l'emploi, à côté de la contrainte juridique et à côté des contraintes liées aux aides humaines et à la mobilité, il y a un cinquième frein qui me paraît vraiment important aussi à mentionner, c'est celui des représentations sociales, et c'est pas un des moindres. Les représentations sociales, elles sont compliquées parce que les personnes en situation de handicap, dans leur diversité, ben elles aussi entre des représentations qui vont décrédibiliser leurs compétences, qui vont relever d'une forme de misérabilisme et de la compassion, voire d'une forme d'héroïsation qu'on a très bien vu d'ailleurs avec les Jeux Olympiques. Et toutes ces représentations qui s'entrecroisent, elles n'aident pas forcément à l'exercice du mandat. Par exemple, elles vont créer aussi, pardon, avant de donner l'exemple, des formes de hiérarchie entre des situations de handicap. Et c'est là que l'exemple me paraît assez illustratif. C'est que, par exemple, un candidat qui va vivre avec un trouble du développement intellectuel, ben, il sera plus difficilement perçu comme compétent par rapport à un ancien blessé de guerre. Un autre élément qui est ressorti beaucoup des entretiens, c'est qu'une partie des personnes en situation de handicap, elles expliquent qu'il faut faire ses preuves en faisant deux fois plus, et qui a un risque aussi important d'être réduit à son handicap dans la candidature ou à son mandat, qui peut être très réducteur. Pour les personnes qui sont obligées de s'outer, de publiciser leur handicap, je pense à notamment certaines personnes autistes qui l'ont un peu expliqué en ces termes, elles expliquent aussi qu'il faut parfois aussi en faire deux fois plus pour prouver qu'on est bien en situation de handicap. Tous ces freins à la participation politique, ils agissent comme des remparts au changement. Ils sont un moyen de couper les voies d'accès, les voies VOIES, mais aussi les voies des citoyens, VOIX, en empêchant le développement d'une société qui serait fondée sur la présence à l'autre et l'altérité. Dans l'ouvrage, il y a cette échelle de la vie politique dans sa structuration juridique et sociale globale, mais ce n'est pas la seule qui est considérée. Il y a également l'échelle personnelle qui vient jouer un grand rôle dans l'expérience des élus. Par exemple, il apparaît que les réseaux, que ce soit les réseaux militants, politiques, locaux, personnels, constituent une variable majeure et le développement d'une expertise propre peut alors également jouer le rôle d'une forme d'avantage peut même mener à une sorte de constitution d'un capital. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus également sur ce sujet, s'il te plaît ? Oui, alors pour répondre à ta question, ça me paraît important en tout cas de distinguer deux profils de personnes élues. Et si on caricature, ça va être d'un côté, on va avoir les élus de carrière. Je mets des guillemets au terme parce que c'est pas l'idée de carriériste hein, qui est derrière, c'est vraiment l'idée d'une forme de professionnalisation, et pareil, je mets des guillemets aussi parce que c'est pas un métier à proprement parler, ça reste une métaphore. Donc d'un côté, on va avoir les élus de carrière, et de l'autre, on va avoir les novices, des gens qui ont un peu moins d'expérience, voire parfois qui ne font qu'une candidature ou qu'un mandat et qui ensuite s'extraient de la vie politique. Les élus de carrière, souvent, ils vont avoir développé un réseau et une expérience dans le secteur qui va être un réseau militant et politique. Parfois, ils s'inscrivent dans un héritage politique familiale. On pourrait presque dire que la politique, elle coule dans leurs veines de génération en génération pour certains. Et il y a une vraie socialisation à cette fonction. Ça, c'est ceux qui vont au plus haut point, en tout cas de cette catégorie que j'ai qualifiée d'élus de carrière. À l'autre extrême, et après il y a toute une diversité, tout un continuum entre ces deux extrêmes, on va avoir, donc à côté des élus de carrière, on va avoir les élus plus novices, et qui sont plutôt des élus qui vont saisir d'une opportunité pour entrer en politique. C'est des élus qu'un faiseur de liste a été chercher. Ils sont généralement avec un lien qui est quand même un lien avec le secteur associatif, mais sans forcément un engagement politique, sans forcément être encartés. D'ailleurs, certains disent qu'ils connaissent rien à la politique au moment où on est venu les chercher, et ils savent même pas qui est le maire actuel. Parfois, dans ces élus novices, on en a qui sont tellement éloignés, qui sont même pas dans des liens associatifs, et vraiment, les personnes dites faiseurs de liste ont été vraiment les chercher de manière circonstancielle. Donc, c'est important d'avoir en tête ces deux profils-là qui existent dans l'ensemble de la population, mais qu'on retrouve aussi dans les élus en situation de handicap. Entre 2008, 2014 et 2020, on va observer une montée progressive du nombre de candidats et d'élus en situation de handicap, avec un pic assez fort en 2020. Et ce pic, il s'explique en partie avec l'appel de Sophie Cluzel, qui à l'époque était secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. Et son appel, il visait à intégrer des personnes en situation de handicap sur les listes des candidats. Et d'ailleurs, plusieurs personnes décrivent avoir été parachutées sans aucune préparation pour eux, mais sans aucune préparation non plus pour les colistiers avec qui ils étaient. Donc là, on est vraiment avec une montée en force de la figure du novice. Et d'ailleurs, les chercheurs en sciences politiques en général, ils constatent aussi une arrivée importante de cette figure de novice en politique ces dernières années, là qu'on soit en situation de handicap ou pas. Et ce développement, il fait écho à celui du nombre d'élus en situation de handicap. À ce stade de la recherche, j'ai pas vraiment d'explication, mais je constate cette convergence. Et je trouve que ça serait intéressant d'essayer de l'analyser par la suite, notamment dans le cadre de la recherche handipolitique, pour essayer de comprendre la place de cette figure du novice. Mais cette figure du novice, elle est aussi assez complexe, parce que ça ne veut pas dire qu'une entrée en politique comme novice n'amènera pas par la suite une socialisation à la vie politique, qu'on ne s'engagera pas dans une forme de carrière. Certaines des personnes qui ont été rencontrées là en entretien sont entrées effectivement par cette porte dite novice, mais ont fait aujourd'hui plusieurs mandats et sont politisées et se sont politisées en marchant, sans chercher à faire de mauvais jeu de mots. Quand on soit dans un profil plutôt de novice ou de carrière, l'expérience qui est faite du handicap, elle peut être effectivement capitalisée, comme tu le disais tout à l'heure, et que c'est comme ça que j'en parle dans le livre. Le handicap, il peut apparaître comme un capital pour construire une forme de patrimoine politique. Ça va être, par exemple, certaines personnes qui vont être connues sur le territoire en raison de leur handicap, qui auraient pu être médiatisées. D'autres personnes ont mis en place aussi des actions politiques pour dénoncer l'inaccessibilité de la société ou pour mettre en place des actions plus personnelles, par exemple parce qu'ils peuvent avoir besoin d'une opération médicale ou parce qu'ils peuvent avoir besoin de matériel spécifique, qui fait qu'ils vont publiciser leur action. Et ces actions, elles vont servir de marchepied à une éventuelle candidature. Un autre exemple également de capitalisation, on a plusieurs personnes candidates ou élues qui ont également des comptes sur les réseaux sociaux ou des blogs qui leur permettent de porter une parole communautaire à l'égard des droits des personnes handicapées. Ça peut être également la presse qui peut jouer un vecteur de revendication ou de publicisation de la situation de handicap. Et là, je recite Éléonore Laloux qui me semble un exemple assez emblématique de cette publicisation. Vraiment au sens neutre du terme, c'est-à-dire mise en lumière de la situation de la personne. Il n'y a pas de jugement positif ou négatif derrière ce concept. Dernier exemple que j'aurais envie de citer derrière ce capital, c'est que certains élus qui vivent avec handicap, ils font figure aussi d'un parcours réussi et inspirant pour d'autres personnes en situation de handicap. ils finissent presque par avoir un statut qu'on pourrait qualifier de leader auprès de la communauté des personnes handicapées au regard des actions ou des messages qu'ils portent dans des instances de politique locale, régionale ou nationale, notamment à propos de l'accessibilité, de la compensation ou de l'inclusion de ces personnes dans la société. Et tout à l'heure, on aura d'ailleurs un exemple. Il me semble que dans ces figures-là, Odile Morin est assez emblématique de cette forme de capitalisation. Je te remercie. Je vois que le temps file et nous avions d'autres questions prévues, mais je vais conclure par une dernière et on pourra revenir sur celle qu'on n'a pas pu aborder dans la suite de la discussion. La dernière, c'est celle sur le sujet de l'autonomie, puisque ça nous intéresse évidemment, nous sommes le PPR Autonomie, nous vous invitons ce soir. Je sais qu'il t'intéresse également. Dans quelle mesure peut-on parler d'un processus d'autonomisation, et là je l'entends dans le sens d'empouvoirment, des élus, mais aussi plus largement des personnes handicapées qui peuvent bénéficier de cet effort de représentation politique? Et est-ce que ce concept occupe une quelconque place dans l'expérience des enquêtés? Oui, tous les travaux que je mène sur le handicap cherchent à contribuer modestement au concept d'autonomie, même si je dis vraiment modestement parce que vraiment il y a déjà de nombreuses recherches là-dessus. Je pense que c'est vraiment un sujet qui a déjà été beaucoup conceptualisé et je prétends pas offrir une nouvelle théorie sur la question de l'autonomie. Et même je dirais que plus exactement, en tant que chercheur-acteur et pas en tant que chercheur académique, ce qui n'est pas mon statut, plutôt que de proposer d'autres théories, je me nourris des travaux sur l'autonomie pour venir décrypter la société et explorer d'autres manières de faire société à travers l'exemple du handicap ou de l'engagement politique de ces personnes. Mes recherches, elles s'inspirent fortement des féministes de l'étude du Caire. Ces féministes, elles proposent une lecture de l'autonomie que je trouve vraiment intéressante parce qu'elles viennent remettre en cause une autonomie fondée sur des capacités individuelles, de libre choix, de rationalité, d'indépendance, qui ont été conceptualisées dans un contexte de pensée qui était quand même majoritairement masculin et validiste. Ce biais d'appartenance genrée et capacité et capacitaire, il est vraiment pas neutre. Et une des hypothèses, je trouve, qui est portée par ces approches féministes des théories du Caire, est que les... Alors, je pense que nous avons perdu momentanément Cyril, mais c'est pas très grave, parce qu'il va revenir vers nous, je pense. Il a dû s'en rendre compte également, j'espère qu'il s'en est rendu compte. Ce n'est pas très grave, mais il était interrompu au milieu d'une belle réflexion, je trouve, sur le processus d'autonomisation et en rapport avec les études féministes et les études du Caire. C'est pas très très grave. Je vous propose qu'en attendant Cyril, on passe à la suite de l'émission et vous inquiétez pas, il pourra revenir sur le sujet pendant le temps de la discussion. Alors on a traditionnellement une partie qui se concentre autour d'une recommandation culturelle. Donc Marcel, je vais te demander si tu peux, s'il te plaît, de faire entrer Marianne. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film documentaire qui nous plonge au cœur d'une lutte politique des personnes handicapées pour défendre leurs droits. Ce film, Creep Camp, dont nous allons vous partager quelques images, permet de découvrir une page essentielle et pourtant méconnue de l'histoire des luttes pour les droits civiques aux États-Unis. Marcel, tu peux lancer les images de la bande-annonce quand tu veux. Le documentaire nous immerge dans des images d'archives du camp de Gened, un camp de vacances peu conventionnel situé près de New York et fondé en 1951 pour accueillir des adolescents handicapés. Fortement influencé dans les années 60-70 par la contre-culture américaine et le mouvement hippie, le camp de Gened offre un espace de liberté et de pleine participation à ses adolescents. Ils y expérimentent une solidarité nouvelle et y nouent des amitiés marquantes. Les moments filmés au camp montrent des scènes de la vie quotidienne, des discussions légères entre adolescents, mais aussi des échanges plus profonds. On y assiste à la naissance d'une prise de conscience collective face aux discriminations systémiques qu'ils endurent. Cette expérience de non-mixité entre personnes handicapées transforme leur perspective et ouvre la voie à un engagement militant. Le documentaire retrace ensuite les itinéraires de certains de ces campeurs, depuis cet éveil politique au camp de Gened jusqu'à leur rôle actif dans un mouvement pour les droits des personnes handicapées. On suit entre autres James Lebrecht, co-réalisateur du film, et Judith Heumann, l'une des principales figures de ce combat. D'archive en archive, en alternance avec des entretiens plus récents, le film met en lumière les grandes étapes de leur lutte collective. Il montre aussi comment le mouvement des droits des personnes handicapées a su unir des individus autour d'un combat commun en faisant de la diversité des participants un atout. Un exemple marquant est celui du sit-in de 25 jours dans l'équivalent du bâtiment du ministère de la Santé en Californie, où les militants ont su surmonter les défis logistiques grâce à leur solidarité, en parvenant, par exemple, à communiquer avec l'extérieur grâce à des militants sourds pratiquant la langue des signes. Ce combat acharné a conduit à une victoire majeure en 1990 avec l'adoption de l'American with Disabilities Act, une loi fédérale essentielle et interdisant les discriminations, qui a eu une grande portée symbolique et un impact culturel et social puissant. Crip Camp est à la fois un récit historique et un témoignage porté par celles et ceux qui ont vécu et façonné cette histoire. Le film réussit à transmettre toute l'énergie et la détermination de ce mouvement, rendant ce récit aussi captivant qu'instructif. Le documentaire est accessible gratuitement sur YouTube en version originale sous-titrée ou sur Netflix en version française. À savoir qu'il est possible d'organiser gratuitement des projections du film à des fins éducatives en contactant la production comme nous l'avions fait au PPR Autonomie il y a tout juste un an. Bonsoir à tous et à toutes. Avant juste rapidement de passer à la seconde partie de l'émission, je vais laisser Cyril terminer son explication sur les processus d'autonomisation et puis après j'introduirai la partie table ronde. Donc Cyril, je te relaisse la parole pour finir. C'est pas facile de reprendre comme ça en milieu de pensée parce que je ne sais pas où la pensée s'est arrêtée. Tu t'étais arrêté au fait que tu t'appuyais principalement sur les études féministes et les études du CAIR pour réfléchir au concept d'autonomie. Oui, voilà. C'était vraiment tout au début de l'explication. Alors, je vais essayer de reprendre les éléments qui me semblaient importants. En tout cas, les féministes de l'éthique du CAIR, une partie, il me semble qu'en proposant une lecture de l'autonomie, la lecture de l'autonomie qu'elle propose va remettre en cause une autonomie qui va être fondée sur les capacités individuelles de rationalité, de libre choix, d'indépendance, qui ont été conceptualisées dans un contexte de pensée qui était majoritairement masculin et validiste. Ce biais d'appartenance genré et capacitaire, il n'est pas neutre. Une des hypothèses, moi, il me semble que soulève en tout cas ces approches par le CAIR, est que les personnes n'appartenant pas au genre masculin ou n'étant pas considérées comme valides ont dû endosser finalement l'image d'un citoyen rationnel ou essayer de se rapprocher le plus possible de cette image afin de finalement de participer à une société qui était fondée sur ces normes masculines et validistes. Dans ce contexte, l'enjeu finalement est ce qui est discuté avec ces approches, c'est que les femmes et les personnes handicapées, elles se sont retrouvées, une partie d'entre elles, obligées à adopter une image qui était finalement en adéquation avec des règles qui ont été érigées par d'autres personnes et pour d'autres personnes au nom d'un discours émancipatoire. Et je trouve que ce jeu un peu d'image, de performance, il est intéressant en tout cas pour analyser la société et l'engagement en politique. Et que ce principe émancipatoire, ce que montrent en tout cas ces approches féministes par le CAIR, c'est qu'il peut se fonder sur d'autres voies. Et je pense en particulier aux travaux de l'américaine Martha Finman, qui, plutôt que de partir d'un principe d'autonomie individuelle et rationnelle, amènerait plutôt à penser une société qui donnerait la primauté à des principes de non-discrimination et de dignité humaine, plus enclin à penser une société avec toute sa diversité. Il me semble qu'en explorant une autonomie plus rationnelle, voire en essayant de dépasser ce concept, dans le livre, j'invite le lecteur à explorer des scénarios nouveaux avec des personnes très éloignées de l'autonomie, comme les personnes polyhandicapées, qui sont des personnes que je donne souvent en exemple, parce que beaucoup de mes travaux portent dessus. Je pense notamment à Polyordinaire et Polycitoyen, que je réalise avec Myriam Winans. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre de parler de personnes polyhandicapées et d'engagement politique en même temps, et je pense qu'il faut reconnaître que c'est aujourd'hui une utopie. Mais c'est comme une utopie sur laquelle j'ai envie de vous inviter à essayer d'ancrer cet imaginaire. Et pour l'ancrer, je pense qu'on peut partir comme point de départ, qu'on peut s'accorder que pour dire qu'une personne polyhandicapée ou très éloignée de l'autonomie puisse participer en politique, elle ne pourra pas en tout cas exercer totalement son mandat. Et il faudrait sans doute qu'un membre de sa famille ou qu'un collectif les représente. Ça pourrait être leur tuteur, mais pas forcément. Ça pourrait être aussi un tiers de confiance, qu'on pourrait appeler, par exemple, un relais citoyen. Dans les faits, la personne qu'on élirait, ça serait bien ce relais citoyen ou ce tuteur, mais en qualité de représentant de la personne. Et cette personne, ben, elle serait quand même élue avec la personne polyhandicapée. L'idée, c'est que ça soit fait avec la personne polyhandicapée. Et donc, à ce titre, la personne polyhandicapée, ben, il faut qu'elle puisse être impliquée dans la campagne, dans les réunions, dans les prises de décision. Et ça me paraît essentiel parce que la mise en visibilité, elle peut potentiellement jouer sur la manière dont les électeurs et les autres élus, ben, ils vont agir, sur ce qu'ils vont dire, sur la manière dont ils vont se positionner. Les impliquer, c'est aussi reconnaître que ces personnes, elles ont des capacités et que c'est pas parce qu'elles sont très éloignées de l'autonomie et de notre registre capacitaire que pour autant, elles ne sont pas en mesure de proposer d'autres capacités, notamment des capacités à représenter une communauté ou une capacité à influer sur les décisions du fait de leur présence aux réunions ou aux tractations. Et cette présence, bah, c'est ce que Marc Bessin appellerait une présence sociale, il me semble, qui peut être une manière d'aller aussi, de penser un peu autrement, finalement, le lien entre tous, entre les citoyens. Mais ce que je raconte là, bon, j'ai bien conscience qu'on est bien de l'ordre de la fiction, mais une fiction qu'une approche par les droits humains nous invite aussi à penser. Merci beaucoup Cyril, ça va conclure la partie donc sur ton ouvrage et on va pouvoir passer à la table ronde. Donc c'est un panel qui, comme vous avez pu le comprendre, va nous permettre de creuser du côté de l'expérience des élus handicapés, expérience qui illustre des dynamiques validistes importantes, en même temps qu'elles viennent questionner la place du sujet du handicap dans la démocratie. Je vais commencer par des questions qui vont permettre à nos trois intervenants de se présenter et puis je proposerai quelques questions transverses à la fin de l'échange autour du travail de Cyril que nous venons de présenter. Je vais commencer par toi, Fatima. Donc Fatima, tu es maire adjointe déléguée à la jeunesse de la ville d'Alfortville dans le 94. Grâce à tes études et ton parcours professionnel, tu as eu l'occasion de te former au militantisme en faveur des droits des personnes handicapées à l'étranger. Et notamment au concept de validisme. Que peux-tu nous dire dans un premier temps de ton parcours ? Et par ailleurs, donc, tu es élu depuis 2020 au sein d'une majorité municipale plurielle. Comment vis-tu ce mandat et quelles difficultés, y compris symboliques, identifies-tu ? Merci beaucoup Marie, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup à Cyril aussi d'avoir présenté ces travaux auxquels, comme il l'a expliqué, j'ai participé dans le cadre donc, d'un comité de réflexion donc sur la place des élus en situation de handicap et puis au préalable, bien sûr, des candidats en situation de handicap, puisque avant d'être élu, il faut être candidat, c'est la condition première. Alors, pour évoquer mon parcours. Donc, comme tu le disais, Marie, j'ai fait des études supérieures. J'ai en fait deux vies professionnelles, hein, puisque j'ai fait une reconversion professionnelle il y a un peu plus de 10 ans. Et pour la première partie en fait de ma carrière, eh bien, j'ai vécu à l'étranger. Pendant mes études et également pour travailler, donc au Royaume-Uni et en Espagne principalement. Et en fait, pour moi, qui avait commencé des études en France, ça a été une véritable révélation, en fait, déjà de constater que les conditions d'accessibilité pouvaient être différentes de celles que j'avais vécues depuis mon enfance. Dans le cadre scolaire et puis dans le cadre universitaire. Alors, pour vous donner une idée, j'ai eu mon bac en 94, hein, pour replacer un peu les choses dans le contexte un peu historique, n'est-ce pas, notamment des droits des personnes handicapées, des droits des élèves et des étudiants handicapés. Donc, voilà, en 94, j'ai mon bac, je pars à l'université, je quitte le domicile parental. Et tout n'est qu'obstacles et complications, sachant que je me déplace en fauteuil roulant. Voilà, donc je débarque en Angleterre, je vois que finalement les choses sont plutôt bien organisées, je vois qu'on parle égalité des chances et lutte contre les discriminations au sein de l'université, qu'un bureau est d'ailleurs consacré à ce sujet-là avec une personne qui est plus spécifiquement dédiée aux étudiants en situation de handicap, y compris les étudiants 10 d'ailleurs, déjà à l'époque, on était au milieu des années 90. Et puis, je consacre en fait un mémoire. En anglais, puisque enfin, mes études sont avant tout des études de langue, appliquées, mais quand même des études de langue, un comparatif entre les systèmes français et le système britannique en termes de prise en compte des personnes handicapées. Et c'est là que bon, je fais énormément de lectures. Dans la bibliothèque universitaire de l'université où je me trouvais, et je découvre Judith Heumann, je découvre Colleen Barnes notamment, je découvre beaucoup d'ouvrages de ce type qui parlent donc en anglais ou en français, mais en général c'est parce que ça vient du Québec. Donc je découvre tous ces concepts, je me découvre aussi comme personne handicapée. Ça avait commencé quelques années auparavant, mais quand même, ça a été une sorte de lente prise de conscience et de déconstruction de certaines logiques hein, sur lesquelles on a travaillé avec Cyril quand on parlait des élus hein, et de l'engagement politique, mais qui sont en fait des logiques qu'on rencontre partout, hein, au quotidien, partout. Et donc, ça a été pour moi, voilà, ça m'a ouvert les yeux que de voir les choses se passer autrement. En Espagne, l'expérience a été aussi très, très positive, c'est un peu plus tard, et puis avec évidemment une culture du handicap différente, mais qui n'était pas moins, enfin, à mon sens à l'époque, hein, avancée en tout cas en termes d'accessibilité. Et en fait, donc j'ai repris, voilà, je suis rentrée en France, j'ai terminé mes études d'interprète de conférence, je suis devenue interprète de conférence, voilà. Et puis j'avais un engagement politique, donc moi je suis encartée hein, de très longue date, hein, militante depuis, on va dire, le début des années 2000. Donc ça, c'était, je suis peut-être, comme disait Cyril, un peu de ces élus de carrière, même si je ne suis pas élue depuis longtemps, mais je suis militante de carrière, ce qui est quand même un peu mieux, c'est-à-dire de longue date et pas par hasard, donc avec tout le circuit habituel, peut-être des partis politiques, qui permet de donner un réseau que je n'avais pas socialement, puisque moi je suis fille d'ouvrier, hein, donc je n'ai pas de réseau spécial. Voilà, donc c'est forcément, ça a été, ça aussi, c'est ce que m'a donné aussi le Parti communiste français, c'est ce réseau militant, c'est le réseau aussi qui, pour mes deux candidatures, puisque j'ai aussi été candidate en 2017 aux législatives, donc dans le Val-de-Marne, mais dans une circonscription qui n'était pas gagnable, entre guillemets, mais qui a quand même permis de un peu faire mes armes dans une élection quand même nationale. Et c'est le réseau militant local, fédéral, qui m'a permis aussi de faire les choses que je n'aurais pas pu faire autrement, c'est-à-dire les déplacements, tous les obstacles. La mobilité, pour moi, c'est, je pense, le principal obstacle, sachant qu'en Île-de-France, la plupart des transports en commun sont inaccessibles. J'ai la chance d'avoir un véhicule hein, depuis un certain nombre d'années, donc je conduis et je peux me déplacer, mais ça représente quand même un certain nombre de contraintes, de fatigue, et c'est vrai que la solidarité militante permet aussi de réduire cette fatigue qui pèse et qui pèse de plus, enfin, avec les années, qui pèse davantage évidemment, puisque ça, y a beaucoup de contraintes liées au mandat. Donc mon mandat, pour répondre à ta question sur le mandat, donc moi j'ai une délégation qui est la délégation jeunesse. C'est toujours un dilemme, et je pense qu'on l'a vu avec avec la recherche en dit politique pour les élus de se dire est-ce que je choisis ou est-ce que je propose, ça peut être ça aussi, de prendre la délégation handicap ou accessibilité, parce qu'elle elle peut s'appeler autrement selon les lieux et les choix politiques. Alors, moi, dans ce premier mandat, je n'ai pas fait ce choix. On ne me l'a pas proposé. On m'a même dit, on ne va pas te proposer le handicap. Donc, et je n'avais rien contre, sachant que voilà, je voulais aussi faire mes armes sur d'autres sujets que celui du handicap. La jeunesse, c'est un sujet très transverse. Donc, je peux aussi m'occuper de la jeunesse en situation de handicap. Puisque c'est quand même c'est aussi extrêmement important, mais c'est pas voilà, c'était pas ma priorité. Je dirais qu'au bout de 4 ans aujourd'hui, peut-être que si c'était aujourd'hui l'élection, j'aurais fait un choix différent. Voilà, mais en tout cas, c'est pas le choix que j'ai fait en 2020. Contrairement à Odile, et je pense que ça c'est un point qui est très important, moi je suis dans la majorité, donc ça donne quand même des clés, ça ouvre des portes qu'un élu d'opposition n'aura pas. Il faut être là, très clair là-dessus, surtout au niveau municipal. On n'a pas, en fait, les mêmes moyens, le même accès à l'information quand on est élu d'opposition que quand on est élu de la majorité. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile aussi de faire entendre sa voix quand on a un besoin d'accessibilité ou un besoin de compensation quelconque. Alors, moi, j'ai surtout des besoins d'accessibilité. Je n'ai pas de besoin, par exemple, en aide humaine, même si le principal obstacle, je dirais, c'est vraiment celui de la mobilité, peut-être celui aussi de la fatigabilité avec le rythme qui est très soutenu du mandat et aussi de mes engagements militants. Mes responsabilités au sein du Parti communiste où je suis responsable d'une commission nationale et également dans l'exécutif de la Fédération du Val-de-Marne, au Conseil national. Tout ça, vous l'imaginez bien, représente pas mal d'heures de réunions et de réunions le week-end et de réunions en soirée. Et donc, forcément, avec une vie professionnelle active qui se poursuit aussi par ailleurs. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant pour l'exercice du mandat, mais je dirais quand même que, et ça peut-être on pourra y revenir, c'est que la présence d'une élue en situation de handicap n'est pas une évidence. Elle l'est pas. Voilà, c'est comme ça. Pas plus que d'une militante en situation de handicap. Je le dis de façon assez transparente. C'est pas une évidence. Le corps d'une personne handicapée dérange, je pense. Voilà, ça reste une anomalie aujourd'hui que d'être face à un ou une élue en situation de handicap, même si c'est, Cyril parlait de hiérarchie, même si quelqu'un en fauteuil, ça sera peut-être plus facile que quelqu'un qui doit aussi, parfois, du fait d'un handicap qui ne se voit pas, peut-être expliquer davantage les choses. Voilà, mais même comme ça, le corps, enfin moi dans les obstacles symboliques, celui du corps, c'est quelque chose que je réfléchis depuis longtemps. C'est vraiment le fait d'être assise change beaucoup de choses. Dans le rapport des autres, le rapport des habitants à vous, celui des autres élus, celui des adversaires politiques, hein. D'ailleurs, c'est pas uniquement celui des élus avec qui vous travaillez. Tout ça, ça n'est pas évident et symboliquement, ça peut être compliqué. Et c'est pas simplement une question d'accessibilité. C'est aussi parfois la tribune est accessible, c'est certain, mais vous vous retrouvez à un buffet. Je donne un exemple très simple. Hein. Vous retrouvez un buffet. Après tous les discours, etc., et ben, tout a été conçu pour les personnes debout. Et pas du tout. Et en fait, ça peut être extrêmement fatigant d'être en train d'écouter les personnes qui sont debout alors que vous êtes assise. Vous les entendez mal. Il y a un brouhaha ambiant, forcément. C'est beaucoup plus fatigant. Et c'est surtout, vous ne vous sentez pas dans une posture qui est la posture qui est attendue de vous. Voilà. Eh bien, merci, merci Fatima, à toi pour avoir partagé à la fois ces réflexions et ton expérience. Je vais maintenant laisser la parole à Odile. Odile, toi aussi, tu es élue municipale et métropolitaine et tu présides une association de défense des droits des personnes handicapées et de lutte contre le validisme. Ton parcours, tout comme celui de Fatima, est marqué par un militantisme protéiforme, principalement fondé sur l'action médiatique et contentieuse et la désobéissance civile. Est-ce que tu pourrais évoquer le coût de ces luttes, leur dimension plurielle et le choix de ces stratégies? Et en outre, comme l'a dit Fatima, contrairement à elle, tu sièges dans l'opposition. Et lors de la préparation de ce live, tu m'as expliqué que tu payais pour faire de la politique. Et j'aimerais bien que tu développes un petit peu ce point. Alors, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Alors, j'ai pris quelques notes parce que c'est compliqué pour moi d'intervenir parfois sans préparation. Depuis plus de 25 ans, je suis engagée dans la défense des droits des personnes handicapées. Je suis passée successivement d'un accompagnement individuel pour l'accès aux droits parce que j'avais développé des compétences en matière juridique sur le droit du handicap, ayant fait condamner la France et le département de la Haute-Garonne pour me voir reconnaître des droits en tant que personne handicapée, parce que ça aussi, ça a été un combat. Et puis, je me suis rendu compte que l'action médiatique et contentieuse que je menais ne permettait pas de faire évoluer suffisamment, de mon point de vue, les droits des personnes handicapées. Et avec la découverte du validisme, que je n'ai découvert qu'en 2015, hein, puisque j'en étais bien imprégné, comme nous le sommes tous, que nous soyons des personnes handicapées ou des personnes valides. On vit dans une société validiste, donc effectivement, on a tous des biais validistes qu'il est important de déconstruire. Et j'avais dépolitisé la question du handicap, la qualifiant comme une question qui n'était ni de gauche ni de droite, alors qu'en fait, c'est une question qui est une question de droits humains et qui est donc une question de gauche, même si on peut dire qu'une partie de la gauche se perd peut-être sur ce sujet. Mais c'est un autre débat. Donc j'ai mené des actions de désobéissance civile quand il y a eu des reculs importants de nos droits, notamment avec l'ordonnance accessibilité en 2014, hein, qui a mis à mal tout le corpus réglementaire sur le sujet et qui a donné des délais, de nouveaux délais qui ne sont d'ailleurs toujours pas tenus. Et puis quand il y a eu la loi Elan, et donc on a, avec mes camarades, notamment bloqué un TGV pour obtenir la mise en accessibilité de la gare Matabiau qu'on a obtenue, et aussi les pistes de l'aéroport de Toulouse, ce qui nous a valu des poursuites en correctionnel, des condamnations, et aujourd'hui on est devant la Cour de cassation, où on espère une décision historique le 8 janvier qui fera évoluer la doctrine française en matière de désobéissance civile non violente. Et pour revenir à donc ce qui m'est arrivé et comment j'ai atterri en politique, puisque j'ai toujours eu des idées politiques, mais je ne les avais, je dirais, pendant très longtemps pas affichées pour justement essayer d'avoir une action qui était consensuelle en matière de handicap. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand on demande les choses gentiment, on se fait marcher dessus. Je pense que c'est assez général, et encore plus quand on est des personnes handicapées. En fait, je me suis aussi engagé avec les Gilets jaunes, parce que quand j'ai découvert que ce n'étaient pas les fachos que nous présentait la presse, en tout cas à Toulouse, j'ai voulu défendre des questions de justice sociale, écologique et fiscale, et parce que je m'intéresse pas qu'à la question du handicap. Et je me suis retrouvé en fait plébiscité en 2019 par des Gilets jaunes pour être inscrite sur la campagne que lançait Archipel Citoyen, une liste citoyenne à Toulouse, qui recrutait des candidats, mais aussi des personnes plébiscitées et des personnes tirées au sort. Et j'ai pris ça un peu comme une plaisanterie en me disant que j'étais peut-être trop radical pour être accepté dans le milieu politique. Et en fait, à ma grande surprise, j'ai décidé quand même de jouer le jeu en pensant que ça serait vite réglé. J'ai fini cinquième position de tous les candidats et personnes plébiscitées à Toulouse, ce qui m'a encouragé finalement à valider ma candidature. Alors soyons clairs, j'ai mené campagne dans des conditions innommables. Et encore, heureusement que j'ai un véhicule comme Fatima, je crois que c'est... pour les personnes en fauteuil roulant, ne pas avoir un véhicule, ça veut dire dépendre de transports spécialisés, où grosso modo, il faut réserver 3 semaines avant, pour s'entendre dire 2 jours avant que finalement on n'aura pas le transport, on aura l'aller sans le retour. Donc vous imaginez bien que c'est totalement inadapté à la vie en société d'une manière générale, et encore plus au fonctionnement du monde politique. Il y a aussi la question des aides humaines hein, qui a été relevée. C'est pas simple de réussir à modifier les plannings des auxiliaires, et moi je dois faire un grand salut aux auxiliaires que j'ai aujourd'hui en emploi direct et qui vraiment font vraiment un maximum pour s'adapter, ce qui fait de moi une privilégiée hein, par rapport à d'autres sur ce plan-là. Après, je ne voulais pas être, si on avait gagné, parce qu'on a failli gagner, hein, à 4000 voix près sur une ville de 500 000 habitants, je ne voulais pas être l'élu handicap, je ne voulais pas être ramené à ma condition. Et comme je m'intéresse beaucoup aux questions d'urbanisme, de transport et de logement, je voulais vraiment traiter ces questions globalement. Donc on n'a pas été élu, je me suis retrouvé dans l'opposition. La campagne s'est déroulée dans des conditions où j'ai pas pu m'exprimer très clairement, où j'étais toujours en retard d'un train, toujours parce que j'avais personne pour m'aider à écrire, personne pour m'aider à synthétiser mes idées, personne pour les défendre. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait la partie du programme sur le handicap. Donc, vous voyez, j'ai encore été renvoyé à ma condition d'une certaine manière. Et une fois qu'on a été élu en juillet 2020, je connaissais le maire de Toulouse, hein, puisque lui et son prédécesseur, qui était au Parti socialiste, je les avais combattus en matière de droit du handicap, puisque la ville de Toulouse était loin d'être exemplaire sur ces sujets-là. Mais je m'attendais pas à ce que le maire de Toulouse, une fois que j'étais élu, me refuse les moyens de compensation du handicap. Ça a commencé par le questeur qui m'a expliqué, quand je lui ai dit que j'avais besoin d'urgence de mettre en place des moyens humains pour m'accompagner, qui m'a dit que que j'allais pas passer avant les autres citoyens, grosso modo, attendez, on verra dans quelques temps. J'ai assez vite compris à ce moment-là que j'avais le droit d'être présente, mais surtout pas de participer, et que finalement, j'allais être envoyée à une situation de potiche présente, dont on afficherait le handicap grâce à la visibilité de mon fauteuil, et dont on irait en même temps les difficultés liées à mon autisme. Et je dois dire que si Jean-Luc Moudin, qui a battu tous les records en matière d'handiphobie, de validisme et de dégueulasseries diverses et variées, je n'ai pas eu le soutien que j'aurais aimé avoir de mon propre camp. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de véritable portage politique collectif de l'ensemble du groupe, même si individuellement, hein, certains m'ont soutenu, ont fait des efforts. Et je pense qu'on pourrait faire un parallèle. C'est-à-dire que si j'avais été une personne valide qui s'est cassé la jambe et que le maire avait organisé le conseil dans une salle inaccessible, je ne doute pas que mes camarades auraient trouvé cela particulièrement choquant et auraient certainement mis en jeu leur présence au conseil pour dire « non, nous, on ne peut pas y aller si notre collègue ne peut pas participer ». Pourtant, il n'y a pas eu cette attitude-là et je pense que c'est ce qui a manqué. Mais on a quand même de toute façon eu affaire à quelqu'un de particulièrement dégueulasse, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui est président de la métropole. Puisque, une fois que je lui ai fait cette demande, j'ai tenté de négocier, il y a eu plein d'échanges qui m'ont épuisé parce qu'au départ, il a fallu que j'écrive toute seule. Il faut savoir que les difficultés que je présente, il y a mon handicap physique, des difficultés pour... Les aléas du direct, donc c'était Odile qui partageait son expérience comme élu d'opposition. Odile, je te repasse tout de suite la parole et je te laisse reprendre. Oui, j'ai expliqué dans quel contexte j'exerce mon rôle d'élu à Toulouse. D'abord, on a un maire président, puisque je siège à la fois à la ville, mais aussi à la métropole, je suis aussi conseillère métropolitaine, qui a choisi d'organiser le minimum légal de commissions et de conseils. C'est-à-dire qu'on a 4 conseils municipaux et 6 conseils métropolitains par an, et que chaque conseil donne lieu à 150 à 200 délibérations par séance, avec des milliers de pages de délibérations à étudier. Donc des séances extrêmement longues, extrêmement chargées. Sa volonté, clairement, c'est que le conseil soit une chambre d'enregistrement. Sachant qu'en plus, il impose, et ça en toute illégalité, des temps de parole limités à 2 minutes 30, alors que la jurisprudence autorise 6 minutes, et qu'en tant qu'élu handicapé, je pourrais et je devrais bénéficier d'un tiers-temps, donc je ne bénéficie d'aucun de ces éléments-là. On reçoit les documents du conseil et des commissions 5 jours avant les conseils. Moi, en 5 jours, c'est pas que j'ai pas la capacité d'analyser les documents, mais je suis incapable de le faire en 5 jours. C'est-à-dire, globalement, il me faudrait une 20aine de jours pour pouvoir étudier l'ensemble des documents. Et pour ça, j'ai besoin d'aide pour écrire. C'est-à-dire que je peux pas utiliser un clavier. Enfin, je peux écrire quelques lignes au clavier, mais pas plus. Et j'ai donc besoin d'utiliser une dictée vocale. Simplement, quand on est en train d'étudier des documents, c'est impossible d'arriver à mettre le curseur au bon endroit au moment où on veut dicter quelque chose, parce que j'ai déjà essayé, j'y arrive pas. Et qu'en plus, j'ai besoin de personnes qui m'aident à me recentrer. C'est-à-dire que le rôle de mon assistante, c'est aussi de me dire, bah, Odile, non, t'es allé chercher tel mail, mais ne t'arrêtes pas à tel autre mail parce que ton attention est captée par autre chose. C'est-à-dire que je suis en permanence dans la difficulté de partir dans tous les sens. Et si j'ai pas quelque chose qui m'aide à me guider, quelqu'un qui m'aide à me guider, ben je mets encore plus de temps que je n'en mets naturellement, d'autant plus que j'ai des gros problèmes de lenteur. Ça ne se voit pas quand j'aborde des sujets que je maîtrise bien, mais voilà, quand ceux qui m'accompagnent le voient bien. C'est aussi après, pendant le conseil, une censure. Je dirais que j'ai la parole coupée ou le micro coupé au moins 2 ou 3 fois par conseil. Le problème, c'est que je ne sais même pas quand est-ce que ça va avoir lieu. C'est-à-dire que des fois, j'appréhende, je me dis, il va me couper, puis non, il ne me coupe pas, et je ne sais pas pourquoi. Et par contre, il va me couper sur autre chose où j'avais le sentiment qu'il m'avait laissé aller. C'est des remarques extrêmement désobligeantes sur le fait que je ramènerai tout à mon handicap. Donc, il y a toujours une minoration de mes difficultés. Il y a aussi, depuis quelque temps, de plus en plus, des bruits parasites volontaires de la part de la majorité qui sait que c'est perturbant pour toute personne et encore plus pour une personne autiste et qui donc fait exprès de faire du bruit chaque fois que je m'exprime et de façon à ce qu'il y ait un maximum de bruit, de façon à compliquer encore plus mon expression. C'est aussi la question par rapport au Covid, c'est-à-dire qu'il a fallu que j'ai menace d'un procès pour obtenir qu'on aère et que on puisse m'éviter de porter en permanence mon masque et que j'ai le droit tout simplement de boire entre 2 interventions. C'est des choses toutes bêtes comme ça. Tout ça, ça, c'est aussi des moqueries sur le fait que je travaille beaucoup. Je travaille trop, selon eux. C'est assez marrant, d'ailleurs, parce qu'on reproche souvent à beaucoup d'élus de ne pas travailler assez. Moi, on me reproche de trop travailler. Chercher à y comprendre quelque chose. Et puis, tout ça, ça m'a conduit à des moments de burn-out. Hein. Il y a eu, dès octobre 2020, il y a eu un conseil, j'ai été incapable d'y aller, incapable de le travailler, parce que je venais de recruter des personnes, que le temps de mettre les choses en place, j'y arrivais pas, tout simplement. Et puis, je me suis arrêté, 2 mois, au printemps, parce que j'en pouvais plus et que je m'étais mis à hurler sur mes camarades et que, forcément, ça passe pas très bien. Je me suis arrêté de nouveau là au mois de novembre. Je suis quand même allé au conseil municipal parce que je suis incapable de rester à rien faire. Et j'y suis allé uniquement sur des thématiques que je maîtrisais bien, qui m'ont pas demandé d'étudier les délibérations. Et puis je suis de nouveau arrêté parce que j'y arrive pas. Donc je dirais que je me soigne en m'occupant de mes activités associatives parce que ce qui serait encore le pire pour moi, c'est de ne rien faire. Mais ça aussi, ça a été moqué du style. Ah, mais regardez, elle dit qu'elle est malade, mais elle vient quand même à une réunion sur le handicap. Vous voyez, des choses très fines et très… voilà. Et en fait, donc, j'ai tenté de négocier avec la mairie, avec la métropole. J'ai engagé un avocat. J'ai donc dépensé, j'en suis à plus de 7 000 euros hein, de frais d'avocat quand même depuis 4 ans. J'ai tenté une médiation, c'est-à-dire qu'on n'a pas été tout de suite au contentieux. On a proposé une médiation, la mairie et la métropole ont même refusé même le principe de la médiation. Donc, j'ai saisi le tribunal administratif. J'avais eu un avis favorable de la rapporteure publique pour la prise en charge de mes frais de compensation. Mais finalement, le tribunal administratif a trouvé que la loi n'était pas assez claire et grosso modo m'a incité à saisir le Conseil constitutionnel. C'est ce qu'on a fait en allant devant la Cour administrative d'appel il y a 1 an et en saisissant le Conseil d'État d'une QPC. Le Conseil d'État a jugé qu'une partie de mes droits était déjà applicable. Résultat, j'en suis à plus de 40 000 euros dépensés en 4 ans. Alors là aussi, on va dire que si j'avais pas eu quelques économies, j'aurais même pas pu. Je veux dire, je pense que j'aurais été démissionné directement parce que je me voyais pas faire simplement du présentiel pour encaisser une indemnité d'élu. Je me suis pas engagée en politique pour percevoir des indemnités. Par contre, ce qui me semble tout à fait normal, c'est que je perçoive les mêmes indemnités que mes collègues et que je ne sois pas obligée de consacrer 80% de ces indemnités justement au paiement d'une personne qui m'assiste. C'est la diffamation aussi, c'est d'essayer, vous voyez, de me pousser, de jouer de mon impulsivité, hein, qui est aussi liée à mon TDAH et à mon autisme. Enfin voilà, je crois que j'ai vraiment eu le combo de tout ce qui pouvait se faire comme dégueulasserie. Et c'est pas fini, puisque j'attends maintenant une décision de la Cour administrative d'appel et que je sais même pas si je vais pouvoir continuer mon mandat. Je me laisse jusqu'au 12 janvier pour prendre une décision. Voilà, si j'abandonne, ce sera la mort dans l'âme, parce que je pense que c'est important que d'abord qu'on participe, que tous les citoyens puissent participer. Et voilà, en tout cas, il y a eu vraiment une instrumentalisation par la majorité du fait que je sois dans l'opposition et une tentative de me faire taire. Il faut dire qu'ils me redoutaient déjà avant que je sois élu, et je pense que ça n'a fait que grimper avec mon élection. C'est vrai que je lui porte de manière assez rude la contradiction, une manière très documentée et très étayée, et ça, il supporte très mal, parce que j'ai l'art de trouver toutes les illégalités qu'il commet et toutes les... Enfin voilà, j'ai la réputation, y compris dans la majorité, d'être quelqu'un qui bosse ses dossiers en profondeur et qui trouve en général la petite bête qui va déranger la majorité. Voilà, et après, j'essaye de... Je suis toujours partagée entre le fait de me forcer à dépasser mon handicap, parce que c'est comme ça que j'ai appris, que j'ai été éduquée, et en même temps la volonté de ne pas savonner la planche pour d'autres, parce que plus je vais m'adapter, plus on dira « mais regardez, lui il est capable de le faire, pourquoi les autres handicapés ne le font pas ?» Je te remercie. Odile, je me permets juste de reprendre la parole puisque je vois que le temps défile, et je te remercie pour ce témoignage extrêmement important, je trouve, et extrêmement fort. Je te remercie d'être venue aussi le partager avec nous ce soir, alors que c'est quand même une situation très très difficile. Et comme tu as ouvert la question de la place des personnes handicapées aussi par rapport aux autres, je vais me tourner maintenant vers Pierre-Yves. Donc, Pierre-Yves Baudeau, qui est professeur à l'Université Paris-Dauphine. Sur une note plus personnelle, sachez que pour moi, c'est très important d'être dans la position où je pose des questions à Pierre-Yves, parce que pendant des années, c'est lui qui m'en a posé plein dans le cadre de ma thèse. Donc, c'est aussi un peu un moment de vengeance pour moi. C'était la note un petit peu personnelle. Dans tes travaux, tu t'es intéressé aux pratiques électorales des personnes handicapées en France et à l'étranger. Tu y développes différents concepts qui, je pense, peuvent faire écho à ce que viennent de nous dire Fatima et Odile, dont celui de disability gap, mais aussi de citoyen absent, pour parler des électeurs handicapés. Jusqu'à quel point ces concepts qui témoignent d'une invisibilisation et d'une marginalisation et d'une disqualification, je pense aussi dans le cas d'Odile est très parlant à ce sujet, et celui de Fatima également, des personnes handicapées dans la vie politique, sont-ils transposables selon toi à l'expérience des élus? Et plus largement, comment s'assurer de redonner une dimension politique au handicap dans nos démocraties? Merci, merci beaucoup Marie, et merci au PPR Autonomie d'avoir organisé cette session qui est extrêmement importante autour du livre de Cyril que j'ai eu l'honneur de faire la préface. C'est un thème qui est très très très peu abordé en France, hein, la recherche handipolitique que coordonne Cyril est la toute première sur le sujet, avec des difficultés très importantes, il l'a dit tout à l'heure, pour accéder aux données, identifier les personnes, et donc c'est très important qu'on puisse en parler, et puis ça te donne l'occasion de me poser des questions, donc c'est une très bonne chose par ailleurs. Oui, alors les concepts de disability gap et d'absent citizen sont pas de moi, hein, c'est des choses que j'ai repris à de la littérature anglo-saxonne, essentiellement canadienne et américaine, et qui a volonté à identifier une absence, c'est-à-dire L'absence des personnes handicapées est invisible tant qu'on n'a pas posé la question. Et donc, c'est d'abord le premier objectif, ce serait d'arriver à montrer qu'il manque quelque chose dans ce paysage politique, et donc de marquer l'idée, par exemple, c'est ce que j'avais montré sur la participation électorale, que 30% des personnes handicapées ne sont pas inscrites sur les listes électorales, alors qu'en population générale, c'est 12% de non-inscription. Donc, il y a une non-inscription très forte sur les listes électorales des personnes handicapées. Et ces citoyens sont totalement invisibles. Personne n'avait pris la mesure de cette mise à distance du corps électoral. Et cette notion, elle est évidemment transposable sous réserve, mais elle est transposable à la question des élus en situation de handicap. Et les deux prises de parole de Fatima et d'Odile que l'on vient d'entendre sont extrêmement importantes parce qu'elles décrivent deux dimensions de ce phénomène. D'une part, je trouve dans ce que nous raconte Fatima, c'est quelque chose qui tourne autour de à quel point le métier politique, c'est-à-dire comme le décrit Cyril dans son ouvrage, c'est-à-dire à quel point le métier politique comme un ensemble de tâches et d'activités à accomplir. Donc Odile l'a dit, lire des PV et des délibérations de conseils municipaux, participer à des réunions pour Fatima, aller dans tout un ensemble de réunions diverses et variées à différents niveaux, sa ville, son département, la commission nationale du Parti communiste français. Comment ces ensembles d'activités, être présent dans sa ville, être présent dans les espaces de débat militants, être présent dans les espaces de débat partisans, participer à tout ce qui peut se faire en termes d'informalité, de réunions informelles, d'échanges en fin de réunion ou en avant de réunion ou pendant la réunion, etc. C'est-à-dire être sur une forme de présence qui n'est pas une forme de présence qui est uniquement celle qui peut être traduite par la LSF, par exemple, ou qui peut être, je pense par exemple à toutes ces personnes qui doivent quitter des réunions en urgence parce que leur aide personnelle ou parce que le véhicule qu'elles ont réservé doit partir à une heure précise et qui échappe à tout ce qui se joue de si important dans l'activité politique, dans les réunions de couloir, les discussions dans les escaliers, les échanges à voix basse, etc. Tout ça disparaît. Et c'est pourtant là-dedans que se joue une grande part de l'activité politique. Alors, ces personnes handicapées, elles sont invisibles d'abord parce qu'il y en a une grande partie d'entre elles qui ne se portent pas candidates. Ça, c'est un premier fait. J'avais un entretien il n'y a pas très longtemps avec une personne qui, par ailleurs, est extrêmement mobilisée, mais a d'énormes difficultés à sortir de son logement et qui dit « moi, je voudrais bien faire de la politique, mais comment je vais faire pour, si jamais je suis élu, pour sortir de chez moi, parce que j'arrive même pas à sortir de chez moi pour aller acheter le pain, comment je vais faire pour sortir de chez moi pour aller à l'Assemblée nationale, par exemple, et tenir ces délibérations. » Et donc, on a cette espèce de réserve qui est très, très intériorisée, alors qu'en fait, elle est complètement organisationnelle et sociale. Ça veut dire qu'il n'existe aucun dispositif, et c'est ça la deuxième dimension de cette invisibilité, il n'existe aucun dispositif qui permette de garantir l'accès, et Cyril l'a rappelé tout à l'heure, l'accès des personnes handicapées, non pas simplement au métier, à l'exercice du métier, mais bien à la campagne électorale et à compenser ce que le handicap coûte en temps, en énergie, en disponibilité pour les personnes handicapées. Ces personnes, elles sont aussi invisibilisées parce que, et je pense que Fatima l'a bien dit tout à l'heure, sur deux points, les effets des déficiences, par exemple la fatigue ressentie par l'étendue des réunions, leurs répétitions, les journées à rallonge, le fait de devoir écouter assises des personnes qui se parlent debout autour d'un cocktail, ce qui est quand même une des activités les plus prenantes des acteurs politiques. Et puis dans les effets du handicap aussi, c'est-à-dire dans tout ce qui est non-compensation et non-mise en accessibilité des espaces de délibération. Et donc, Odile l'a bien dit tout à l'heure, ouvrir une fenêtre pour limiter les chances, les statistiques de contamination Covid, ou tout ce genre de gestes. Donc tout ça va contribuer à rendre invisible, c'est-à-dire que personne en fait ne décrit ce travail en plus que doivent effectuer les élus en situation de handicap pour exercer tout simplement l'activité pour laquelle ils ont été élus. Et cela peut déboucher, comme Odile l'a dit à l'instant, sur une forme de découragement ou de face aux montagnes qu'il s'agit de soulever et qu'il ne faut pas trop soulever par une surcompensation au risque d'empêcher la mise en place d'aménagements qui seront utiles par la suite. Et puis la dernière raison de cette invisibilité, c'est que ces personnes sont soumises à l'enjeu, et puis on l'a bien entendu là, à la fois chez Fatima et chez Odile, sont soumises à l'enjeu de savoir si elles vont ou pas prendre le portefeuille du handicap. On sait que ça a été mesuré aux États-Unis, que les enjeux handicap sont mieux défendus quand l'élu en situation de handicap s'en empare, mais on comprend tout à fait aussi que ces élus en situation de handicap n'aient pas du tout envie d'être le porteur de la question du handicap, et cela peut contribuer à invisibiliser l'enjeu qu'ils portent dans leur pratique politique. Et puis le tout dernier point de cette histoire, c'est que les personnes sont invisibles parce qu'elles sont invisibilisées. Et qu'elles sont, quand elles sont élues, et Odile l'a bien raconté, mises de côté, discriminées dans l'exercice de leur activité, et que donc il y a bien un travail politique de mise à l'écart de ces corps qui peuvent, Fatima l'a dit, je pense avec justesse, qui peuvent désarçonner dans un certain nombre de situations. Et puis la question au-delà de ça, c'est au-delà de la gêne que les corps peuvent provoquer ou les causes qui sont portées, la question c'est qu'en fait fondamentalement, le handicap vient ici, et Cyril le dit très très bien dans son ouvrage, le handicap vient réinterroger un certain nombre de choses ordinaires qui sont totalement acquises, et en déconstruisant par exemple l'idée que la politique est une activité individuelle, presque héroïque, que les individus ont des opinions tout seuls dans leur coin, alors que fondamentalement, ce que raconte le handicap, c'est que toute activité politique est une activité sociale, qu'elle est obligatoirement accomplie dans une relation de coopération, d'échange avec un collectif, avec quelqu'un qui a commencé par son aidant ou son aidante, mais aussi avec son équipe municipale, avec ses assistants, avec un conseil, et que c'est à ce conseil-là, conseil municipal, conseil de métro, etc., c'est à ce conseil de transformer ses pratiques pour aboutir à des règles de fonctionnement qui soient inclusives, et donc à remettre en cause tout un tas de choses qui sont la base de l'activité politique ou qui sont perçues comme étant la base de l'activité politique, et notamment par exemple de procéduraliser tout un certain nombre de points pour que tout le monde ait accès de la même façon à la même chose. La question a beaucoup été soulevée au moment des discussions sur la parité, sur comment fait-on pour arriver, d'ailleurs, et la question n'est pas réglée du tout, hein, mais comment fait-on pour arriver à des délibérations qui soient accessible à toutes. Là, la question, c'est comment fait-on pour que nos délibérations, nos campagnes, nos échanges politiques soient accessibles à tous. Et en matière de handicap, l'une des clés, c'est cette question de la procédure, c'est-à-dire de faire en sorte que les documents soient disponibles tant de jours à l'avance, qu'ils soient traduits en français facile à lire et à comprendre, qu'on ait le temps d'une délibération collective, que toutes les choses soient clairement formalisées et clairement définies pour que tout le monde puisse y avoir accès de façon claire. Et dans le jeu politique, la procédure, Odile l'a bien rappelé, la procédure est un enjeu propre de lutte, c'est-à-dire qu'on va se battre sur des enjeux procéduraux qui vont ensuite déterminer la composition des conseils, on va faire exprès de mal définir certains termes, parce que des catégories floues sont des catégories qui vont agréger plus de soutien et agréger plus de voix, et que donc il y a quelque chose dans l'exercice du mandat politique qui va totalement à l'encontre de ce que peuvent réclamer des acteurs, des actrices handicapées. Et pourtant, dans cette volonté-là d'handicaper la politique, il y a aussi, à mon avis, quelque chose qui tient à sa transparence, à sa démocratie, c'est-à-dire quelque chose qui serait un mode de fonctionnement du politique qui serait réellement davantage orienté sur un objectif de justice sociale. Merci beaucoup Pierre-Yves. En plus, tu as pu aborder la question un peu de la tokenisation que je voulais poser à Cyril plus tôt. Donc voilà, ça permet de reboucler. Maintenant qu'on connaît un peu plus vos perspectives sur le sujet, je vais vous poser quelques questions transverses en lien avec les conclusions de l'ouvrage qui appelle, et moi c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué à sa lecture, donc vraiment à faire de la politique autrement, et ça renvoie à tout ce que vous venez de dire les uns et les autres. Donc ma première question, tout simplement, serait quelle solution Envisagez-vous en tant qu'acteur de ce changement? Alors, Fatima et Odile travaillent notamment au sein d'un collectif sur la création d'un observatoire du validisme politique. Peut-être que vous pourrez nous en dire un mot. Et j'ai envie de dire, si le handicap agit comme un miroir grossissant des limites de l'action démocratique, comment également faire en sorte qu'il ne s'efface pas au profit d'autres luttes? En somme, comment organiser les actions du désordre du jeu social? Et là, je reprends une formulation de Pierre-Yves dans la préface de l'ouvrage. Donc là, on est sur un mode de discussion, je vous en prie. Et Cyril, tu peux également y participer à nouveau, évidemment. Alors, peut-être quelques mots là-dessus. Alors, sur faire de la politique autrement, bon, c'est une partie de l'ouvrage de Cyril que j'ai trouvé particulièrement intéressante, puisqu'on en avait quand même échangé. Ça fait aussi écho à ce que vient de dire Pierre-Yves hein, sur, en quelque sorte, les codes politiques, les codes du monde politique de façon générale, les habitudes, les rythmes qui sont pris. On en a échangé aussi dans le comité de réflexion, c'est-à-dire ces changements incessants, par exemple, de rythme, d'agenda, de programmation des activités, par exemple. Quelque chose qui n'est absolument pas adapté, et Odile l'a dit tout à l'heure, hein, quand elle parlait des aides humaines ou du transport adapté, tout ça, bien sûr, ça ne colle pas du tout. Quand on est dépendant tributaire d'un transporteur adapté, qu'on a besoin d'aides humaines, tout ça, ça s'organise. Tout ça, c'est déjà une charge mentale considérable pour beaucoup de personnes handicapées dans leur vie quotidienne. Donc, a fortiori, pour un élu à qui on dit lundi que la réunion aura lieu jeudi soir à telle heure et finalement elle est avancée ou elle est reportée ou l'heure a changé, etc. Tout ça, ça demande en fait peut-être une façon différente d'agir, de programmer, de prévoir et puis de laisser aussi vraiment leur place aux élus en situation de handicap, aux militants aussi, hein, puisque ça s'applique aussi, enfin, ce qu'on dit s'applique aussi au sein des structures militantes, quelles qu'elles soient. Voilà, cette habitude de modifier les choses, d'arriver, parce que c'est ce qui se fait, c'est la logique masculine aussi, et la logique validiste, capacitaire, comme disait tout à l'heure Cyril, c'est-à-dire, bon, c'est pas grave, on change, on tient absolument pas compte, par exemple, des contraintes, Cyril en a parlé tout à l'heure, puisqu'il a parlé des auteurs féministes, etc. Moi, je fais souvent le parallèle avec les luttes féministes et avec la question de la parité, etc. Là, on est très, très, très, très loin du compte hein, dans le monde politique, parce que la parité, elle peut être une parité sur le papier. Après, le rôle réel des femmes est quand même… Il y a le pouvoir réel et puis le pouvoir qui peut apparaître sur le papier, etc. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais je pense qu'on peut quand même faire des parallèles assez importants, même si ce n'est pas la même chose. Et je le reconnais aussi. Bon, il se trouve qu'Odile et moi, on est aussi des femmes. Alors, peut-être que cet aspect-là, Odile le dira hein, si elle le ressent différemment, cet aspect-là est peut-être un peu minoré dans notre cas, parce qu'on est en situation de handicap, qu'on a un handicap visible. Bon, Odile en a aussi d'autres qui sont invisibles, mais on va dire que celui qui se voit, eh ben, c'est le fauteuil. Hein. Et donc, peut-être que l'aspect féministe, etc., bon, je suis une femme. Élue en plus d'être une femme handicapée, en ce qui me concerne aussi, issue de l'immigration, bon, c'est-à-dire que je cumule, donc ça fait beaucoup, issue de classe populaire aussi, donc c'est quand même important. Tout ça, ça doit pas, tout ça, pour moi, ça constitue un tout. Il n'y a pas une lutte qui est plus importante que les autres, et ça c'est quelque chose qui est un message que je tiens absolument à faire passer, et Odile le disait, pour moi en fait la lutte anti-validisme, la lutte contre les discriminations qui sont faites aux personnes handicapées, c'est un sujet progressiste, c'est un sujet de gauche, c'est un sujet politique, et pas du tout quelque chose, un corps mou et consensuel, voilà, donc il faudrait s'occuper pour faire, voilà, pour faire bien sur la photo ou dans une optique de communication, ce qui peut être malheureusement souvent le cas. Donc, c'est comment changer les habitudes. On parle de l'accessibilité universelle, hein, ça, c'est ça qu'on recherche, c'est-à-dire que au lieu de donner plus de temps seulement à Odile pour qu'elle ait du temps pour lire les délibes, bah, en fait, il faut donner du temps à tout le monde pour que tout le monde ait le temps de lire les délibérations. Il y a quand même beaucoup d'élus qui travaillent, qui ont une famille, etc. Et donc, il y a aussi une autre façon d'envisager la réflexion politique, peut-être dans le temps un peu plus lent. Bon, ce n'est pas du tout dans l'esprit actuel, hein, dans l'ère du temps. Ça, je reconnais, hein, on est plus à l'ère de l'immédiateté réseaux sociaux que de la réflexion et du temps long. Mais c'est, on donne du temps à tout le monde. On fait en sorte, bah, après tout, pourquoi ne pas être tous assis ? Enfin, je veux dire, il n'y a absolument rien qui pose problème. On n'est pas obligé à la verticalité. Par exemple, j'ai donné, je crois, cet exemple, Marie, quand on s'est parlé, celui de la photo. Alors, le grand classique, c'est quand vous êtes en fauteuil et que vous êtes comme moi un peu petite, parfois, on ne vous voit pas sur les photos. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut… Bon, moi, ça me fait sourire parfois, pas toujours, mais voilà. Et puis, cette remarque que j'ai eue une fois, c'est on était tous assis autour d'une table… avec des habitants, c'était dans un cadre où une association organisait un repas solidaire, etc. J'étais avec plusieurs élus autour de la table. Un autre élu arrive et il dit oh, « on va faire une photo ». Ah, mais debout, c'est mieux. Mais pourquoi debout, c'est mieux? En fait, c'est juste, on a l'habitude de les faire comme ça, les photos, ces photos qui sont ensuite… publié sur les réseaux sociaux, etc. C'est devenu une habitude. Mais non, debout, ce n'est pas forcément mieux. Et c'est pas, voilà, je ne vois pas en quoi. Donc, c'est aussi c'est des habitudes, c'est bah, tout ce qui est ancré et ce qui est ancré aussi en nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, que le validisme, il est aussi intériorisé. Personnellement, j'ai mis un temps assez important pour m'en rendre compte. On le constate aussi dans la vie professionnelle, évidemment, parce que les surcompensations dont on parlait tout à l'heure, on les fait aussi quand on travaille. Hein. On n'est pas, c'est pas uniquement dans le cadre politique ou militant qu'on surcompense. On surcompense tout le temps. On est en difficulté et en surcompensation, ça peut être au détriment de la santé de certaines personnes, évidemment, que ce soit la santé physique ou la santé mentale. Et je peux comprendre, évidemment, des élus qui sont découragés, qui abandonnent en cours de mandat. Cyril a cité des exemples. Hein, je les comprends tout à fait. J'aimerais bien que ça ne soit pas le cas, parce que plus on sera nombreux, plus on sera visible, plus ces difficultés-là vont apparaître. Je voulais aussi en citer un peu plus positif, peut-être, le fait que… Alors, j'ai été aussi candidate aux élections européennes, pas très longtemps, et j'étais plutôt bien placée sur la liste. Et donc, j'ai été relativement visible pendant la campagne. Et après l'élection, un militant, enfin… Quelqu'un qui souhaite en fait entrer en politique m'a téléphoné. Alors, je n'ai aucune idée de comment il a obtenu mon numéro de téléphone, mais bon, il y a beaucoup de gens qui ont mon numéro de téléphone. Donc, voilà. Qui m'appelait d'une autre région, donc pas d'Île-de-France, et qui en situation de handicap, sans qu'il m'ait expliqué du tout le type de handicap, etc., mais ce n'était pas tellement le sujet, et qui voulait savoir comment j'avais fait et qui voulait se lancer parce que ça lui avait donné, il disait l'envie, peut-être la motivation de sauter le pas, de s'encarter. Alors, pas dans un autre parti, d'accord, mais j'ai quand même donné les conseils, donc voilà. Ça, c'est vraiment à titre anecdotique, mais je pense qu'il y a aussi un enjeu d'identification. C'est important parce que quand on est plus ou moins jeune, d'ailleurs, hein, peu importe, on a aussi besoin d'avoir des personnes auxquelles s'identifier. C'est peut-être ce qu'on a vu aussi avec la question des femmes et la question de d'autres minorités. Enfin, les femmes, c'est pas une minorité, mais bref. Par exemple, dimanche dernier, j'étais à l'Assemblée des femmes du PCF, qui a réuni 150 dirigeantes. Et on a eu une table ronde avec des militantes et des dirigeantes de générations différentes. Et elles ont toutes expliqué comment c'était d'autres femmes aussi qui les avaient appuyées, les avaient poussées à s'engager, à prendre des responsabilités, alors que face aux obstacles, ce n'était pas forcément toujours une évidence. Et je pense que pour les personnes handicapées, il y a aussi besoin de ça. Il y a aussi besoin de construire des réseaux, et c'est ce qu'on fait avec Odile, enfin ce qu'on essaye de faire, parce que c'est pas justement le travail qu'a fait Cyril d'identification, il est difficile, et il est difficile pour nous aussi, hein, malgré nos réseaux militants et politiques. Et donc, d'ailleurs, on peut en profiter ici pour lancer un appel aux élus en situation de handicap qui s'identifient comme tels, pour nous contacter et donc rejoindre notre collectif, qui est un collectif progressiste, je le précise. Donc, de gauche, donc on annonce la couleur. Hein. Mais voilà, c'est important. On défendra quand même les élus de droite si besoin. On n'est pas sectaire. Non, on n'est pas sectaire. On n'est pas sectaire. On est progressiste, mais on n'est pas sectaire. Progressiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fatima. Pour cette note aussi, cette note d'espoir. Odile, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant que je relaisse la parole à Pierre-Yves et Cyril pour conclure également? C'est vrai que Fatima et moi et le mouvement antivalidiste, c'est une valeur progressiste et c'est une valeur de gauche puisqu'elle s'attache aux droits humains. Le problème qu'on a, c'est que la gauche n'a toujours pas compris que ça la concernait. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même aujourd'hui avec une gauche, je dirais globalement, qui est dans une approche pas toujours de la lutte des classes, en tout cas pour certains qui s'en revendiquent, mais ça c'est une autre discussion, mais qui n'a toujours pas compris qu'il y a la nécessité d'articuler l'ensemble des luttes et de cesser de les hiérarchiser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des sujets qui sont mineurs et des sujets qui sont majeurs, puisque le validisme quand même c'est de toute façon une critique du productivisme, et c'est donc une critique d'un système qui crée des systèmes d'oppression et de domination, que ce soit le sexisme, le racisme et autres. Et donc, la difficulté qu'on a aujourd'hui aussi, c'est que la gauche n'a toujours pas investi le champ de l'antivalidisme. Elle commence parfois, ou certains groupes politiques commencent à utiliser le terme, mais en le détournant de son fondement. Je dirais que là-dessus, le PCF, dont je ne fais pas partie, est peut-être celui qui a le plus avancé sur le sujet. Et je pense que c'est grâce à Fatima qui a fait un très gros travail là-dessus. Et donc, la difficulté, c'est qu'on a des politiques de gauche qui n'ont toujours pas compris que ce n'est pas une question médicale, qu'il ne s'agit pas d'aller continuer à inaugurer des IME, c'est-à-dire des lieux de privation de liberté, et qu'il faut effectivement s'inscrire dans une lutte qui est celle des droits humains. Et c'est pour ça que j'ai rejoint, moi, un groupe politique qui s'appelle PEPS, pour une écologie populaire et sociale, puisque c'est le seul groupe politique que j'ai trouvé qui est vraiment dans une approche intersectionnelle des luttes et qui refuse de les hiérarchiser. Parce que je pense que la question que pose notre présence aussi, c'est de savoir quelle société on veut, dans quelle société on veut vivre. Et ça, pour poser cette question-là, il faut que ceux qui sont les plus dominés et opprimés dans notre société soient présents et participent. D'autant plus que pour construire des politiques qui s'adaptent à tous, puisque c'est ce qui est censé être la politique est censée servir l'intérêt général et non pas les intérêts particuliers. Si on ne prend pas en compte l'ensemble de la population, on la discrimine, on la met de côté. Et en plus, vous voyez, sur des champs qui m'intéressent beaucoup, les questions d'urbanisme, de transport et d'habitat, partir des besoins des personnes les plus empêchées dans l'espace public et dans la participation à la vie en société, c'est prendre en compte tout le monde et ne laisser personne de côté. Et ça, c'est une valeur de gauche, et ça, c'est une valeur universelle, et ça devrait être un champ d'action et de réflexion pour les partis politiques. Après, la droite, c'est vrai qu'elle nous sert plutôt la charité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des élus de droite qui ont aussi évolué dans leur conception et qui ne se battent pas effectivement pour permettre la représentation des personnes handicapées. Mais je pense que ce que disait Fatima sur « il faut que la politique permette la participation de tous, des femmes, des personnes âgées ». Et on peut imaginer aussi que… Y a notamment… je pense, la question du droit à la vie autonome. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas avancé sur le droit à la vie autonome, je ne vois pas comment nous pourrons participer. Et par exemple, la loi qu'a portée Sébastien Pitavi pour le droit à un fauteuil roulant, rendez-vous compte que le gouvernement s'apprêtait, et s'apprête encore peut-être, enfin le prochain, à ne pas rembourser les fauteuils roulants. C'est-à-dire qu'il y a des extensions de nos corps auxquelles on n'aurait pas le droit. C'est-à-dire qu'on on est dans une société qui considère que c'est normal de faire appel à la charité pour pouvoir avoir un fauteuil roulant et pour avoir un fauteuil adapté. Donc, on part de très, très loin. Il y aurait la possibilité peut-être de voir, pour des gens qui ont des fatigabilités extrêmement importantes, peut-être des binômes, c'est-à-dire constituer des binômes de personnes handicapées qui pourraient être à deux pour travailler un sujet. Ça peut être aussi… Alors, l'histoire de la tutelle et de la curatelle, bon, nous, militants antivalidistes, c'est clair, on lutte contre les tutelles et les curatelles et on demande leur abolition. D'autant qu'il existe dans d'autres pays ce qu'on appelle des mesures de prise de décision assistée qui permettent un réel accompagnement, parce que ne nous l'aurons pas. Les tutelles et les curatelles, c'est de la maltraitance, c'est de l'abandon des personnes, c'est de la déresponsabilisation, mais en tout cas, ce n'est pas ni de l'accompagnement ni de l'aide. Et il y a des pays où il y a des mesures qui permettent réellement d'accompagner en permanence, y compris 24 heures sur 24, des personnes qui ont des troubles intellectuels, cognitifs, psychiques et autres, et qui ont besoin de ce genre d'aide. Juste, excuse-moi, Odile, je me permets simplement de t'interrompre parce qu'on arrive à la fin et je vais juste demander aux interprètes si c'est OK pour vous de rester 10 petites minutes de plus parce qu'on a eu des petits problèmes techniques, juste histoire de clore. Oui ou non ou pas du tout? Oui, ok, parfait, merci. Je voulais juste vérifier avec vous. Pardon, Odile, je te laisse reprendre. Et pour reparler de l'Observatoire du validisme en politique, ça a donné lieu à une… En fait, on est avec Audrey Hénoc, qui est donc adjointe au maire, première adjointe au maire de Lyon, et avec Tom Tailleux, qui est un jeune militant d'Europe Écologie Les Verts. On a donc fondé cet Observatoire du validisme en politique, parce que on souhaite deux choses. On souhaite recueillir les situations des militants et des élus handicapés pour justement pouvoir avoir un panel plus large possible de ce que les gens vivent réellement et des difficultés auxquelles ils se heurtent par l'absence de prise en compte de leur handicap, par des représentations erronées de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons porter. Mais nous souhaitons aussi travailler à changer les textes. Et c'est pour ça qu'on s'est investi aussi auprès de parlementaires de tous bords, hein, d'ailleurs, concernant le statut de l'élu local, puisque autant pour les parlementaires, les moyens sont un peu plus conséquents, mais pour les élus locaux, les textes manquent de précision. Et puis surtout, il y a plein de choses qui ne prennent pas en compte. Moi, vous voyez, par exemple, typiquement, il y a une discussion aujourd'hui devant la Cour administrative d'appel de Toulouse qui va porter sur le fait de ce que disent les textes, c'est qu'il est prévu des moyens pour financer des aides techniques des aides humaines et aussi pour prendre part, cette notion de prendre part aux commissions et aux conseils. Mais moi, il faut m'expliquer comment on peut prendre part à une commission ou à un conseil si on n'est pas en capacité de lire et d'analyser les documents, de préparer des interventions, des questions. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on devient simplement des tokens, des potiches. Et ça, c'est insupportable. Et c'est un autre biais qu'on a aussi, c'est qu'aujourd'hui, les organisations politiques de tous bords ont tendance à vouloir, pour la photo de famille, des candidats à mettre un noir, un arabe, une femme, enfin quelques-unes de plus, une personne handicapée, une personne âgée, une personne LGBT, histoire de dire « regardez à quel point on est inclusif ». Mais en réalité, ils sont capables de choisir des gens qui n'ont aucun, qui sont là juste pour faire la photo de famille. Moi, je pense à la France Insoumise qui a voulu investir une jeune femme qui est certainement quelqu'un de très bien, mais qui n'avait rien à dire sur la question du handicap alors qu'elle était présentée comme porteuse d'un projet sur le handicap parce qu'elle ne l'avait pas travaillé. Et pourquoi elle ne l'avait pas travaillé? Très certainement parce qu'on n'avait pas eu la possibilité, tout simplement. Il ne s'agit pas de dire qu'elle n'en était pas capable, simplement, elle n'avait pas une réflexion politique autour de notre présence et elle n'avait pas développé des propositions sur le sujet. Et en fait, on lui demandait de s'exprimer sur le sujet sans lui en donner les moyens. Et on avait visiblement choisi quelqu'un qui soit le plus inoffensif possible pour ne surtout pas revendiquer des droits nous concernant. Et ça, je trouve ça problématique. Je trouve ça problématique. Je suis navrée, parce que je vois quand même que le temps file, mais merci beaucoup. Je pense que cette dernière réflexion aussi sur de qui on met en place, etc. En tout cas, pour nous contacter, juste un dernier point. Oui, bien sûr. On a fait un site internet qui s'appelle observatoirevalidismepolitique.fr sur lequel vous pouvez retrouver nos coordonnées. Et je vous invite vraiment, que vous soyez élus ou militants, à venir nous prêter main forte, parce que sinon, entre toutes les contraintes qu'on a, ça va être difficile, pour mettre en lumière effectivement ce que vivent les personnes handicapées, hein, comme les observatoires des VSS et autres. Voilà. Merci beaucoup, Odile. Et on pourra remettre ça sur le site aussi du PPR, il n'y a pas de problème. Et ben, je vais relaisser la parole à Cyril, parce qu'on a reperdu Pierre-Yves, mais Cyril est là. Donc Cyril, je t'en prie, sur cette question de faire de la politique autrement, puisque ça vient de ton ouvrage finalement, donc... Je te laisse t'exprimer sur ce sujet. C'est toujours compliqué de prendre la parole à la suite, je trouve, des élus qui expriment directement, en tout cas, la manière dont on pourrait agir. Je vais repartir des trois leviers qui me paraissaient importants, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein, je remets toujours en avant la question financière qui me paraît importante pour redonner l'autonomie aux personnes, et que ce levier-là, en tout cas, il me paraît... important à agir, mais ce n'est pas les recherches qu'on mène chez Andéo qui vont aider là-dessus à protéger les freins, les contraintes auxquelles les personnes sont confrontées et les remettre dans le contexte sociétal et éviter de singulariser les personnes, parce que c'est un élément important aussi. On va difficilement agir dessus, mais c'est un élément en tout cas qui me paraît vraiment important de redonner l'autonomie aux personnes via notamment les moyens financiers et humains qui vont le permettre. Un deuxième levier qui me paraît important, et ça fait écho notamment à ce que disait Odile sur les mesures de substitution qui sont mises en place de type curatelle et tutelle, ça c'est un frein majeur. Aujourd'hui, les projecteurs, ils sont très orientés sur des handicaps liés à des altérations des fonctions motrices et éventuellement visuelles ou auditives, mais sont mis quand même, passés sous silence, tous les autres handicaps liés à des altérations des fonctions mentales, psychiques ou cognitives, qui ont aussi besoin de pouvoir être représentés dans des mandats et qui se retrouvent freinés, notamment par des mesures de protection, mais qui se retrouvent freinés aussi par des problématiques de représentation qui posent problème à l'exercice. Ce qui m'amène à un troisième levier sur lequel il me semble important d'agir, c'est sur la question de la légitimité et de la confiance en soi. Et c'est vrai que, et là, on l'a eu en écho dans ce qu'a pu dire Fatima et Odile, il faut aussi que les personnes handicapées, on leur donne les moyens de se dire « oui, je peux y aller ». Oui, je peux. Et le fait d'avoir des témoignages de ce type permet de dire « bah oui, c'est possible, un tel a pu y arriver ». Et cette question de la confiance en soi, ce n'est pas qu'un levier psychologique, elle s'inscrit réellement socialement dans une structuration socio-historique de longue date, comme ça a pu l'être aussi également pour les femmes. Là, je pense réellement qu'il y a une transversalité sur laquelle jouer en termes de rapports sociaux qui sont importants à remobiliser et à déconstruire sur la manière dont les personnes handicapées peuvent aussi se saisir de ce sujet. Et là, c'est vrai que la recherche handipolitique, on espère pouvoir agir dessus, parce qu'un des leviers de la recherche handipolitique, c'est de pouvoir créer des supports d'application de type guide ou de type podcast, et notamment via les podcasts, c'est aussi de pouvoir essaimer sur des expériences de candidats et d'élus en situation de handicap qui permettront éventuellement d'éclairer d'autres personnes, que ce soit des expériences réussies ou non. L'enjeu pour moi, c'est de montrer que c'est possible et d'ouvrir la voie. Merci beaucoup Cyril. Et Pierre-Yves, je vais te laisser conclure. Voilà, c'est le privilège d'avoir eu un problème de connexion. C'était pas volontaire. Non, le débat est important. Effectivement, le risque de souligner, c'est d'être un token, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui est là pour remplir un quota, ce qui est à l'opposé de ce que la philosophe Anne Phillips avait appelé une politique de la présence, c'est-à-dire qu'est-ce que ça change d'être là dans le jeu politique. Et on voit bien qu'effectivement, dès qu'il y a un élu en situation de handicap ou une élue en situation de handicap dans une collectivité ou dans une assemblée élue, quelle que soit cette assemblée, d'ailleurs, les règles du jeu vont devoir changer quoi qu'il en coûte. Et cette obligation de coût de la présence est important à prendre en considération, et ses bénéfices sont importants aussi à mesurer pour savoir ce qu'apporte cette présence-là. Donc, qu'est-ce que ça change d'être là? Pour y arriver, moi, je vois deux axes majeurs. Un axe qui serait un axe portant sur les procédures, notamment sur l'attribution de fonds spécifiques, une PCH candidat qui permettrait de soutenir et de permettre tout simplement aux personnes handicapées qui veulent faire campagne de pouvoir faire campagne dans des conditions à égalité avec les autres. Mais on sait que la compétition politique n'a pas vocation à générer de l'égalité, mais bien de la différence. Et puis le deuxième axe, souligné par Odile, c'est aussi un manque crucial de culture politique à l'intérieur des organisations politiques, quelles qu'elles soient, sur la question du validisme. Ce qui me fait penser et comparer à ce que pouvait être la question du genre il y a 20 ans dans certaines organisations partisanes, 20 ans ou même il y a encore 10 ans, ou même aujourd'hui pour certaines organisations. Mais là, on est à peu près à ce niveau-là, d'un niveau presque zéro en matière de compréhension des enjeux, de compréhension des définitions, de compréhension des luttes, des revendications, de leur justification, de leur légitimité. Et il y a un travail très important à faire auprès des organisations d'acculturation à cette culture du handicap, à cette culture militante d'articulation entre le mouvement social et les organisations militantes. Celles qui s'y attachent peuvent parfois ressentir de l'épuisement et de la fatigue parce qu'elles sont peu nombreuses, et ce sont souvent des femmes. Et donc il y a un travail important à faire pour que l'enjeu soit pris en considération par les orgas et qu'elles se traduisent ensuite dans des programmes et qui vont forcément demander à ce que des personnes handicapées soient présentes pour porter ces enjeux-là ou pour les représenter d'une façon ou d'une autre. Et c'est de cette façon-là peut-être qu'on arrivera à ce que à la fois l'enjeu et les personnes soient présentes dans le jeu politique. Eh ben merci beaucoup. Et on va conclure ainsi cette émission. Donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir pris le temps. Je remercie l'équipe de SILS de nous accompagner comme à chaque fois et d'avoir un petit peu débordé. Je remercie également Marcel à la régie. Vous pouvez suivre toutes nos actualités sur notre site, nos réseaux sociaux, notre newsletter. L'émission sera disponible en rediffusion avec un sous-titrage, comme je l'ai indiqué au début. Et le prochain live aura lieu le 21 janvier autour de l'ouvrage de Mathilde Rossignol et eux, Vieillesse irrégulière. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous et merci à nouveau. Bonne soirée. Également, bonne soirée et bon week-end.